every day. Non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Bâtiment C. cœur a des bleus. Si ton âme sonne le creux, le sang qui coule dans tes veines est celui de la populace urbaine. Banlieue, tu te rappelles des rires à perdre haleine et ces moments sans pareil. Dans mes souvenirs, tu étais si belle. Depuis tant de temps a passé, je n'en reconnais plus rien, je suis un étranger. Je garde au fond de moi ta liberté, mon cœur enfant continuera de saigner. Je vais pas vous le dire tout de suite, je vais plutôt vous rappeler un petit peu les groupes que nous avons reçus les jours précédents. Donc la semaine dernière, nous avions reçu le groupe Jache, le groupe Dérapade, pardon, le groupe Dérapade. Juste avant, c'était le groupe Chaparville. La semaine prochaine, nous recevons Alex Le Bail. La semaine suivante, ça sera Elsia. La semaine suivante, ça sera le 17 mai, ça sera Lajari. Et le vendredi 24 mai, ça sera BRS Band. Donc vous l'avez deviné, hein, je vous l'ai dit sans vouloir vous le dire. Il s'agit ce soir du groupe Jache, donc un groupe qui est déjà venu dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, un groupe qu'on connaît bien, qu'on a déjà présenté. Je pense qu'aujourd'hui on va reprendre depuis le début, parce que ça fait un petit moment, il y avait une petite coupure. Et là ils reviennent, ils ont fait plusieurs concerts. Et là ce soir ils sont là pour nous parler du groupe et de toute l'évolution qui a été faite depuis sa création. On peut signaler aussi que ce groupe a aussi participé à Maverica Live il y a quelques temps, et puis c'est plein de moments comme ça qu'on a dans la tête et qui nous laissent de très bons souvenirs. Donc bah, ce soir on va tout savoir sur le groupe Jache. Depuis le début de l'émission, on a écouté un petit peu de musique, on a écouté entre autres le groupe Sonic Black qui était venu le 22 mars dans l'émission Maverica, le groupe Twister Cover avec Falling Rain, le groupe Dérapade, comme je vous l'ai dit c'était la semaine dernière, ils étaient là, ils nous ont présenté leur dernier album qui s'appelle Banlieue, et le morceau qu'on a écouté s'appelle justement Banlieue aussi. Et juste après, je vous passe une excuse. C'était une personne qui devait venir, ça a été annulé parce qu'il a des petits soucis, mais ça va être remis très bientôt. Il va revenir très bientôt dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour nous présenter son travail. Il était venu il y a très très longtemps, hein. Il était venu à plusieurs reprises dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Il s'appelle Tonio, et le morceau que je vous propose d'écouter juste après, c'est le morceau qui s'appelle Les Nôtres. Et après, on se retrouve donc dans le studio avec le groupe Jache pour cette émission numéro 591. déjà fait. On fait la mise à jour, on raccroche. Après quelques mots d'amour, on les attend. Qui nous indique qu'on va dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour retrouver nos invités. Et puis, le temps aussi de faire un petit réglage de micro parce que vous avez dû remarquer que le son est un petit peu bizarre quand même. Bon, là, je retrouve un petit peu le son habituel. Donc, je vais pouvoir vous présenter donc nos invités. Alors, ceux qui écoutent l'émission Maverika depuis longtemps, parce que je sais qu'il y a des fidèles, hein, il y a, heureusement, des gens qui nous suivent depuis très, très, très longtemps. Il y a des gens qui nous écoutent à chaque émission. Et pour cela, le groupe Jache évoque déjà quelque chose. Il s'agit d'un groupe qui est composé de 5 personnes, aujourd'hui ils sont 4. De toute façon, le mieux c'est qu'on commence à discuter avec eux, parce que vous savez, quand on commence à discuter de musique avec Albino sur Radio Arc-en-Ciel, on devient bavard et puis on commence à dire plein de choses, et donc on va accueillir nos invités, le groupe Jache. Bonsoir le groupe Jache. Bonsoir. Bon, c'est bon, tous les micros passent bien, donc c'est bon. J'ai réinitialisé un petit peu le son parce que effectivement il y avait un bruit qui me gêne un petit peu. Donc cette fois-ci on est bien. Alors en plus j'ai bien fait de tout remettre à zéro. Pourquoi ? Parce que ce soir il y a le groupe Jache qui va nous apporter des nouveaux enregistrements. On va écouter aussi des anciens enregistrements puisque c'est un groupe qui est déjà venu dans nos studios. Et il y aura aussi une interprétation en direct live. Donc là, il faut que ce soit optimum pour pouvoir diffuser de la bonne musique en direct live, comme plus personne ne le fait aujourd'hui dans le monde. Hein. On est quand même peut-être la dernière radio à faire encore comme ça à l'ancienne. En tout cas, je voulais aussi remercier notre ami Florent. Florent qui est la personne qui enregistre les émissions et qui met le podcast. Donc si vous avez loupé l'émission, si vous avez loupé le début ou la fin ou carrément l'émission, ou si vous l'avez écouté, vous l'avez apprécié, vous avez envie de la réécouter, ou si vous avez complètement loupé, vous avez envie de l'écouter, vous pouvez aussi la télécharger et puis la réécouter à un autre moment. Et puis dans un an, dans deux ans, dans trois ans, vous pourrez encore l'écouter grâce à notre ami Florent. Donc on va commencer à discuter avec nos invités, le groupe Jache, J-A-S-H. Voilà, c'est comme ça. Alors, ça fait combien de temps que vous n'êtes pas venu? 2016. Ah bah oui, mais en tout cas, ça fait vraiment plaisir. Parce que il y avait eu un Maverika Live. Vous aviez participé. Ça, c'est des très bons moments. Moi, je sais que j'ai plein d'images des Maverika Live, et vous faites partie de la Maverika Family déjà depuis pas mal de temps. Et en plus, vous avez participé à Maverika Live, donc c'est une consécration supplémentaire, quoi. Vous faites vraiment partie de la Maverika Family. Le groupe existe depuis combien de temps? Alors, le groupe existe depuis 2006. 2006. Mmh. Ah oui, ça commence à faire. Ouais, c'est un 2006. Ouais, c'est avant-hier. Non, mais c'est vrai que les groupes qui durent, il y en a certains que, bon, moi, depuis que je fais l'émission, ça fait bientôt 14 ans. Il y a beaucoup de groupes qui sont apparus, qui ont disparu. Il y en a d'autres qui se sont reconstitués. Alors, des musiciens de tel groupe qui sont venus dans un autre, etc. Et le groupe Jache, donc, c'est un groupe, il y a eu quelques petits changements quand même. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est pour ça que on va y venir tout à l'heure. Donc 2006. Alors le groupe, comment il a commencé? Comment on peut raconter le début de l'histoire? Alors je vais me présenter. Donc Angie, du groupe Jache. Mm-hmm. Donc ça a commencé en 2006 dans un autre groupe de musique, mm-hmm, dans lequel je chantais. J'étais choriste et Stéphane, qui est aujourd'hui le guitariste du groupe, mm-hmm, Jache. On s'est rencontrés donc là-bas. Et puis on a arrêté ce groupe qui n'était pas le nôtre, Et Stéphane m'a rappelé en me disant, écoute, voilà, moi j'aimerais bien refaire de la musique avec toi, j'aime bien comment tu chantes, est-ce qu'il serait possible de faire quelque chose ? Et il avait donc un concert de prévu, qui était normalement pour un autre groupe, donc qui a été annulé pour ce groupe-là. Et donc, bah, tous les deux, avec Alexis qui est à ma gauche, le bassiste, on a fait les Ramorts. Donc c'était éphémère, c'était sur les Ramorts. Un concert, tout à fait. Ça fait un peu groupe de punk, ça. C'est parce qu'à gauche... Donc voilà, donc en fait, on s'est retrouvés avec un autre ami qui s'appelle Pierre, tous les quatre, et on a fait ce concert qui était à la Ferté-Saint-Aubin. Alors là, à l'époque, on n'avait pas de composition, on avait fait que des reprises pour ce concert-là. Mais à partir de là, on a continué, on a déroulé, puis après, on a fait nos propres morceaux. Très bien, donc voilà le groupe. Le départ, voilà, donc une rencontre. Alors comment il s'appelait le premier groupe ? Vous voulez le citer ou pas ? Peut-être pas... Le groupe où on s'est rencontrés, c'était ça s'appelait KDB. On s'est rencontrés en 2004 dans un groupe qui s'appelait KDB. D'accord, voilà. KDB, et... ça a une signification. Cabezas de Burro. On est les têtes de mule. Cabezas de Burro. Ah ouais, très bien, donc voilà. Ah ouais, donc les Ramors, Cabezas de Burro, il y a beaucoup d'humour quand même. Et puis vous aimez les animaux aussi. Oui. Très bien. Donc maintenant c'est le groupe Jache. Alors pourquoi le groupe Jache ? Pourquoi vous avez choisi ce nom-là ? On cherchait un nom de groupe comme tous les groupes. Et puis on s'est dit pourquoi pas mélanger en fait les lettres de nos noms de famille et de nos prénoms. C'est l'acronyme. Voilà. D'accord. Jache. Oui, il y a plusieurs groupes qui ont fait ça, et puis des fois ça peut donner des bons résultats, des fois c'est bon. Jache, ça sonne bien, voilà. Ouais, on trouve aussi. Ouais. Très bien, donc le groupe Jache. Alors aujourd'hui, la composition du groupe Jache, vous êtes 5, c'est ça, hein ? Tout à fait. Voilà. Alors au tout départ, on n'était que 2, donc Stéphane et moi-même, en acoustique. Ensuite, quand on a voulu faire un album, on a demandé à Pascal, qui est un ami, qui jouait aussi dans le groupe dans lequel on s'est rencontrés, de jouer de la basse. Et un intermittent du spectacle, Richard, pour enregistrer l'album. Et à partir de là, on s'est dit, bon, c'est quand même mieux quand on est en groupe qu'à deux. Et donc, on a fait appel après à d'autres musiciens pour former le groupe Jache. D'accord. Et de fil en aiguille, aujourd'hui, la composition du groupe... Alors aujourd'hui, alors, donc, il y en a 5 personnes. Donc on va commencer par l'absent, Arnaud, qui est à la batterie. Arnaud. Voilà. Et ensuite, il y a Alexis qui l'accompagne à la basse. Voilà. Au clavier, il y a notre ami Pascal. Là-bas. Et moi, je suis donc à la guitare et Angie au chant. Voilà. Très bien. Et donc, un peu la guitare aussi de temps en temps quand elle veut bien gratouiller. Oui, je me souviens de certaines photos qui avaient été prises où on la voyait avec une guitare acoustique aussi assez régulièrement. Très bien, donc le groupe Jache, composé de 5 personnes. Donc voilà, c'est le groupe complet, c'est le groupe rêvé, avec des claviers, des guitares, basse, batterie et tout ça. Donc, et puis vous êtes sous cette formation depuis combien de temps ? Alors, on avait commencé en fait en 2020 avec Pascal au clavier. On avait rajouté le clavier. Et puis après, il y a eu la période Covid. Donc on va dire que vraiment depuis 2020, début 2023. Ça fait un peu plus d'un an qu'on a repris les choses plus sérieusement. Et on a commencé par faire un concert de reprise. Voilà, ça nous a remis les pieds à l'étrier. C'était un bon moyen de se remettre en chauffe, voilà, de reprendre les habitudes de jouer en groupe avec des musiciens. Et donc les reprises, pour ça, c'était bien. Et maintenant, voilà, on est parti à écrire nos nouvelles compositions. Très bien. Donc, pendant le Covid, bon, c'était une période morte, comme je suppose tous les groupes. Hein. Là, donc, ça a été un peu plus compliqué pour le groupe Jache aussi, non ? Ou comment ça s'est... Vous avez continué de répéter ? Alors, ou... pas du tout, parce qu'en fait, pour des raisons de santé, juste avant le Covid, on avait déjà arrêté. Et puis après, il y a eu le Covid. Et puis ensuite, notre bassiste, Vince, a arrêté. Parce que voilà, il avait sa vie de famille à faire. Ah bah oui, après l'histoire de groupe, on sait très bien que c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Et puis les gens, c'est des musiciens, mais c'est aussi des gens qui ont une vie, ils ont un travail, ils ont une vie de famille, tout ça. Et des fois, ils font pas toujours ce qu'ils veulent, donc il y a des priorités dans la vie. Il y a des priorités. Voilà. Tout à fait. peut-être reviendra-t-il à la musique dans quelques temps. Voilà. Après, ouais. Seul lui le sait. Très bien, parce que moi j'ai vu plusieurs fois des gens qui disent oh, on arrête, et puis voilà, non, je me dédie à autre chose, etc. Mais je crois que quand on est musicien, on reste musicien, et un jour ou l'autre, ça chatouille, et puis ça, voilà, on a envie de revenir, et puis des fois je vois des groupes qui se recomposent avec des anciens membres d'autres groupes qui avaient arrêté pendant un certain temps. Donc voilà, quand on est musicien, c'est comme le vélo, on arrête, mais si on n'oublie pas, voilà. Très bien. Et après donc le Covid, il y a eu le Covid. Vous avez recommencé à répéter. Comment ça se passe les répétitions avec le groupe Jash? Alors en fait après le Covid, pour moi personnellement, c'était plus difficile parce que cette période-là où on se retrouve un peu confiné, même totalement confiné à la maison. Pour les musiciens comme moi, c'était pas mal. J'avais mon ordinateur, mes guitares, et finalement, je faisais de la musique comme ça. Mmh. Et quand on est sorti de cette période-là, en fait, j'ai eu beaucoup plus de mal à me reprojeter dans l'activité de scène, tout ça, reprendre vraiment la vie de groupe. Mmh. Ça a été, il m'a fallu un petit moment avant, on va dire, de retrouver complètement la motivation, parce qu'il y avait un certain confort à faire de la musique comme ça, chez soi, avec les outils modernes. Et finalement, bah, c'était la chose à faire. Il fallait reprendre la musique en vrai avec les musiciens. Mais il y a eu un moment comme ça pendant lequel j'ai eu, j'avais un peu la flemme, on va dire. Ouais, c'est vrai que beaucoup de gens ont profité justement pour écrire des nouvelles chansons, pour enregistrer. Bon, on faisait du travail du studio et le live, forcément, ça a été un peu mis de côté. Et après, il faut s'y remettre, hein, c'est parce que le live, c'est quand même un travail complètement différent. Le live. Le live, c'est vraiment. Moi, ça m'a beaucoup, beaucoup manqué. J'imagine, parce que bon, sur scène, c'est là où on voit le public, c'est là qu'on voit comment les gens réagissent et tout ça. Donc, forcément, le live, c'est important. Donc, on va encore encourager, une fois de plus, dans l'émission Mavrika, à aller voir les groupes en live. Ça, c'est important, parce que les groupes, ils se produisent, ils se donnent beaucoup de travail, ils arrivent avec leur matériel, ils l'installent le matin, etc. Ils font plein de choses et tout ça. Et à la fin, ils jouent. Ça paraît simple, en vérité, c'est beaucoup de travail qu'il y a derrière. Et pour les encourager, il faut aller vraiment les applaudir. Et c'est une autre dimension aussi. Les écouter sur un disque, c'est une bonne chose. La radio, c'est bien aussi. Mais en live, c'est encore mieux, parce que c'est vraiment le top, quoi. C'est vraiment... live, ça veut dire le vivre, quoi. C'est le vivant, la musique vivante. C'est ça. Très bien. Donc ça fait un petit moment quand même qu'on s'était pas vu. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis. Alors, vous avez écrit de nouvelles chansons? Oh oui. Donc, il y a eu le premier album, comme tu le connais, Un Olivier. Un Olivier, ouais. D'ailleurs, on a calé un petit morceau juste après. Je me suis dit, comme ça va rappeler un petit peu à nos auditeurs ce morceau qu'on a diffusé pas mal de fois. Hein. Et après, on va découvrir aussi les nouveaux morceaux. Oui, c'est ça. Oui, donc après ce premier album, il y a eu le deuxième album qu'on a écrit, qu'on a pas mal tourné, avec lequel on a pas mal joué. Et en fait, on est arrivé donc en 2019 où on a fait l'enregistrement de l'album et on était parti pour le sortir. Et donc il y a eu une pause qui nous a été imposée. Puis après le Covid, comme on vient de le dire. Donc en fait, l'album, on le sort tout juste maintenant. En fait, on l'a mis au chaud dans les cartons et. Ce deuxième album, on vient tout juste de le sortir. Et effectivement, là maintenant qu'on est avec nos amis musiciens, on est en train d'écrire des nouvelles choses et on compose petit à petit le troisième, qui se met en place. Donc on t'a amené des morceaux, on vous a amené des morceaux pour les écouter. Très bien. Donc vous avez repris, vous avez recommencé à faire des morceaux juste après. Vous avez fait aussi des concerts. J'ai vu qu'il y avait des concerts. Vous en avez fait combien depuis la reprise? Après, il y a eu Vilain, 21 juin, il y a eu peut-être 6. Ah, 6, ouais, quand même, c'est pas mal pour. On essaye de trouver un concert par mois, voilà. Donc, on essaye d'avoir ce rythme-là, de faire un concert par mois, et si on en trouve plus, on les fait, mais voilà, c'est d'essayer de rester dans ce rythme-là d'un concert par mois. Pour pas que les gens vous oublient, quoi. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est bien que les. Moi je suis souvent les artistes sur Facebook et tout ça, je vois les événements, et il y en a certains, des fois, ils sont un peu en stand-by, après je les vois revenir, et toutes les semaines il y a un concert, et après il y en a certains qui sont réguliers, bon, donc chacun a des manières différentes de travailler, mais bon, c'est vrai que le fait d'avoir des événements qui reviennent avec des noms de groupes, on se dit tiens, ils sont actifs en ce moment, on les voit assez souvent, donc c'est une manière aussi de pas se faire oublier et puis de continuer à défendre vos morceaux, quoi. C'est pareil, c'est aussi du temps. c'est du temps. Ah oui, j'imagine. Donc après, ce qu'on peut dire aussi, c'est que il y a des groupes qui sont professionnels, donc c'est le métier, ils passent leur temps là-dessus. Il y a des amateurs. Votre cas, vous travaillez aussi en dehors. À côté. Donc voilà, il faut concilier les deux. C'est pas toujours évident. Hein. Donc c'est pour ça. Et donc il faut beaucoup de temps, en plus du travail, donc beaucoup d'énergie. Et moi, je trouve que c'est formidable. C'est pour ça que souvent on dit ouais les professionnels tout ça, mais les professionnels, c'est les gens qui en font leur profession. Ils en vivent ou pas. Il y en a certains qui sont professionnels, mais ils en vivent difficilement. Il y en a d'autres qui vivent de ça très bien. Hein. Il y a ceux qu'on connaît qui passent dans les grandes radios, etc. Et puis, il y a les amateurs qui, eux, font avec leur cœur, qui souvent font des choses formidables, avec souvent moins de moyens aussi, mais avec beaucoup plus d'énergie. Et puis, ils ont vraiment quelque chose à défendre. Et des fois, on a des trucs ici sur Radio Arc-en-Ciel, dans l'émission Mavrica, on découvre des artistes qu'on est vraiment content d'avoir reçus dans l'émission et d'avoir découvert leur travail, parce que franchement c'est super bien fait quoi. Et vous, c'est votre cas en tout cas. Non, mais c'est gentil. Très bien. Voilà, donc je propose qu'on écoute un premier morceau. Allez. Je sais même plus si je l'ai calé. Ben non, je l'ai même pas calé, parce que je parle et du coup bah si, décalé. Si, bah je fais plusieurs choses en même temps. Donc ce qu'on va faire, on va baisser la musique de fond et puis on va écouter ce premier morceau qui s'appelle Un Olivier, et c'est le titre d'un album que vous aviez fait il y a quelque temps. Je me souviens très bien de cet 2008. Le temps passe vite. Hein. Voilà, en tout cas, un superbe album. Et je me souviens que il y avait plusieurs chansons que j'avais diffusées. Il y en avait même une où tu chantais en portugais. Et oui. En brésilien, plus exactement. On écoute tout de suite Un Olivier. Oh. Voilà, on vient d'écouter le premier morceau de cette émission du groupe Jache. Le groupe Jache qui est notre invité de cette émission numéro 591. Alors le morceau qu'on vient d'écouter s'appelle Anne Olivier, c'est tiré de l'album Anne Olivier qui était sorti en 2008. Et on va retrouver nos amis de Jache qui sont présents dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Alors c'est un groupe de 5 personnes mais ils sont 4 ce soir pour représenter le groupe. Il manque Arnaud mais Pascal, Alexis, Steph et Angie sont dans nos studios et ils vont nous parler de tout ce que vous voulez savoir sur l'univers du groupe Jache. Voilà, on a écouté ce premier morceau là, c'est vrai que ça fait un petit moment que je l'avais pas écouté et ça fait toujours autant plaisir de l'écouter, de l'entendre. Il s'agit du morceau qui s'appelle Anne Olivier, donc tiré de cet album. Je me souviens, j'ai l'album, j'ai cette chance là, il est dédicacé à la maison, donc et puis là de vous retrouver après pas mal d'années. Moi j'aime bien justement que les groupes viennent dans les studios de Radio Arc-en-Ciel nous présenter leur travail, qu'ils reviennent régulièrement, donc c'est ce que j'aime. Il y en a certains, des fois ils viennent et puis après le groupe n'existe plus, ou alors après ils oublient de revenir me voir, mais moi j'aime bien justement suivre parce que on a d'excellents musiciens dans la région orléanaise, peut-être les meilleurs du monde je dirais. En tout cas tous les meilleurs musiciens, les meilleurs artistes de la région viennent dans les studios de Radio Arc-en-Ciel et ça fait plaisir. Et d'ailleurs on va faire un petit coucou à tous ceux qui nous laissent un petit message ou un petit j'aime simplement sur le programme de l'émission de ce soir. Sur le Facebook de l'émission Mavrika, vous pouvez retrouver le programme avec tous les morceaux qu'on va vous diffuser ce soir. Comme ça, si vous avez envie de vous les procurer, ben c'est tout simple, vous avez le nom, vous avez le nom des artistes et vous pouvez donc vous procurer ces morceaux-là en suivant un petit peu les artistes qu'on vous présente chaque vendredi. Alors le groupe Jache qui revient après une petite période de stand-by, qui ont déjà fait 6 concerts à peu près, et puis est-ce qu'il y a d'autres concerts qui sont déjà prévus ? Oui, tout à fait. Donc on a un concert le 25 mai à Vineuil, à côté de Blois. D'accord. Au grenier de Vineuil. On a le 21 juin rue du Commerce à Blois. D'accord. Le 22 juin à Viglin. Ça c'est dans le Loiret. Vigelin. C'est dans le Loiret, tout à fait. Ensuite, on a le 27 juillet qui est le festival rock de Châteaudun. D'accord. Et puis le 17 août. J'ai pas ma fiche. Et puis le 17 août à Houck. D'accord, donc on va le rappeler tout au long parce que là on a dit plusieurs dates, il y a des gens qui n'ont pas eu le temps de noter tout ça, donc là on le dit une première fois et au cours de l'émission on va pouvoir le rappeler plusieurs fois parce que là il y a quand même de l'actualité, il y a quand même pas mal de concerts qui arrivent et puis ils sont à peu près espacés d'un mois comme vous le disiez, donc voilà. Et si vous loupez une fois, bah, vous avez une autre occasion pour vous rattraper, donc on va rappeler au fur et à mesure. Les concerts, voilà, dans les projets. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre comme projet ? Est-ce que là vous défendez déjà cet album-là que vous sortez là ? Donc le deuxième album s'appelle Rosa. Rosa. Donc on interprétera tout à l'heure en live le morceau. Mm-hmm. On a lancé en fait une campagne pour un financement participatif. Oui. Pour réaliser cet album. D'accord. Donc maintenant, toutes les photos, tout est choisi, tout est signé, il n'y a plus qu'à envoyer. Et normalement, au mois de juin, le deuxième album, Rosa, sortira. D'accord. Donc, deuxième album qui s'appelle Rosa. Le premier, c'était Anne Olivier, Rosa. Alors, pourquoi Anne Olivier ? Pourquoi Rosa ? Alors, Anne Olivier. Ouais. Anne Olivier avec un O majuscule. Majuscule, oui. C'est une personne qui nous a fait un cadeau magnifique, qui nous a permis justement de... qui ne nous connaissait pas, qu'on avait juste vu à l'endroit où je travaillais avant, dans un restaurant. Bisous, Balou. Et donc, cette personne m'a fait un don, voilà, pour que je puisse réaliser cet album. Et donc, on a pu avec Stéphane faire un Olivier, donc en hommage à. D'accord, donc un petit clin d'œil à son prénom, voilà. C'est le prénom du mécène en fait. Ouais. Voilà, le mécène. À financer ce premier album. Ça c'est génial, ça, ouais, franchement. C'est une magnifique histoire, et donc dans la chanson Anne Olivier, voilà, je raconte dans les paroles l'histoire. D'accord, une très belle histoire. Ça nous a permis surtout d'envisager de faire l'album avec d'autres moyens et d'une autre façon, c'est-à-dire voilà, de d'avoir des musiciens autour, de louer un studio, voilà, de penser à la maquette, au mastering. Enfin, voilà, c'était plus du tout la même chose de concevoir un album de cette façon-là, par rapport à ce qu'on peut faire à la maison. Et par contre, le deuxième album, lui, a été fait justement à la maison, parce qu'on a mis pas mal de temps à le faire quand même. Et on a enregistré les choses au fur et à mesure, là, voilà, en faisant la maison cette fois-ci. Ouais. Le premier avait été enregistré dans quel studio? Musique plurielle. Oui, d'accord. Le studio n'existe plus, mais c'était dans la Sarthe. Studio dans la Sarthe. Saint-Gervais. Mais c'est bien aussi de les citer, parce que bon, ça fait partie de l'histoire de la musique. Il faut citer tous les gens, les intervenants, parce qu'un album, il y a plein de choses dedans. Il y a les gens qui ont fait la pochette, il y a les gens qui ont fait la musique, il y a beaucoup de travail, il y a les enregistrements, les heures, tout le travail technique derrière, les mixages, les mastering et tout ça. Et à la fin, c'est un objet, et c'est quelque chose qui restera pour toujours. Et dessus, il y a des noms, et donc Olivier, le nom du studio et tout ça, bah ça reste. Donc c'est bien de les rappeler aussi, même si ça n'existe plus aujourd'hui. Bah oui, non, mais bon. c'est clair. Non, mais, ça fait partie de l'histoire. Comme tu dis, voilà, si on réfléchit à tout ça, il y a eu plein de choses, même par exemple pour le mastering, on s'est déplacé à Bordeaux pour une journée pour faire le mastering dans un studio. Rien que pour ça. Donc voilà, c'est effectivement chaque étape dans la création, dans la réalisation de l'album. Elle était bien particulière, ça nous a pris du temps, enfin voilà, c'était que des bons souvenirs, quoi, en tout cas, c'est sûr. Et là maintenant, on revient à Rosa, donc pourquoi le nom Rosa? Alors, en hommage à ma mamie. D'accord. Qui n'est plus là. Donc j'ai écrit cette chanson quelques jours après qu'elle soit partie. Voilà, je me suis réveillée le matin, un dimanche matin, et j'ai pris la guitare et j'ai composé cette chanson. Et en retournant chez mon grand-père, j'ai joué la chanson. Et mon grand-père est venu et elle m'a dit « Mamie sera contente que tu la joues pour elle. » Donc voilà, ça a été le début de cette chanson que je chantais au début en français. Et puis après, c'était un petit peu plus compliqué de la faire en français, les émotions. Et donc, je l'ai faite en anglais. Et là, c'était plus facile pour moi de la chanter sur scène. Effectivement, là tu nous racontes l'histoire, l'émotion, on la sent. Et puis quand on va écouter la chanson tout à l'heure, ça sera encore plus, parce que ça sera interprété en direct live dans les studios. Donc voilà, encore un moment d'émotion dans l'émission d'Eureka. Et on sait que derrière chaque chanson, c'est une émotion que vous les artistes, vous voulez transmettre justement aux auditeurs. Et là ce soir, donc je crois que notre cœur il va battre et nos poils ils vont un petit peu se dresser aussi. Moi je sais que voilà, il y a de très bons moments dans l'émission d'Eureka et je crois que ce soir on va en vivre quelques-uns en direct. Donc restez avec nous, écoutez l'émission, on est ensemble jusqu'à 22h et je propose qu'on écoute justement un morceau du deuxième album qui s'appelle Lies, donc c'est en anglais. Oui. Alors moi je vais découvrir en même temps que les auditeurs, qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce morceau? Ce morceau a été écrit il y a déjà plusieurs années. On l'a joué en concert plusieurs fois. Et donc, on a décidé de le mettre sur le deuxième album pour avoir aussi une trace de ce morceau qui ne parle que de mensonges. D'accord. Donc, voilà, des mensonges. C'est vrai ce que vous avez dit là ou pas? Ou c'est déjà mensonge? Non. Non, je plaisante. Très bien, ben on va découvrir ce morceau tous ensemble et puis on se retrouve juste après et là il y aura une interprétation en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel par le groupe Jash et un morceau qui s'appelle Rosa. Voilà, c'est parti. We'll be right back. good old days. It's been a long, long time, but I gotta walk the line. Hey, mama, sing a song for me. D'écouter les Uncle Bikers, donc avec Hey Mama, et juste avant on a écouté un deuxième morceau du groupe Jash, qui est notre invité de cette émission numéro 591, et le titre c'était Lies, donc ça parlait des mensonges, hein, c'est ça, hein. Très bien, ben nous dans l'émission Mavrica on dit que des vérités, et donc c'est pour ça qu'on est ensemble pour découvrir tout l'univers du groupe Jash, et on est ensemble jusqu'à 22h, donc on a le temps tranquillement, et puis on va parler un petit peu de la chanson là, donc que vous allez interpréter en direct live. Donc il s'agit du morceau qui s'appelle Rosa, c'est le titre du nouvel album, et ce nouvel album là, donc vous avez besoin d'aide cette fois-ci aussi pour pouvoir le tout est prêt, hein. Tout le travail est fait, tout ça. Il y a juste le pressage, c'est ça. Hein. Voilà, tout est prêt. Le pressage, et puis la jaquette, hein. Il y a tout ça, tout l'ensemble. Vous avez déjà les dessins, vous avez tout déjà tout ça. Tout est prêt. Et donc forcément, ça a un coût. Donc vous demandez de l'aide. C'est sur quel site? On va partager le lien sur le Facebook de l'émission Mavrika. Campagne Ulule, donc voilà, c'est un truc connu. Hein. Donc qu'on a besoin de certains fonds, les gens aident et en échange, ils auront un album ou quelque c'est chose ça. Comme ça. Donc voilà. Vous avez tout prévu. Donc on va partager tout à l'heure le lien sur le Facebook de l'émission Mavrika pour tous ceux qui ont envie de vous aider, parce que ça c'est important aussi de pouvoir être aidé, parce que finalement un groupe sans public ça sert à rien. Donc il faut que le public soit aussi actif et donc il faut qu'il aille voir les artistes en concert et aussi qui participent aussi en achetant des CD, parce que bon, c'est ce qui fait vivre les groupes. Voilà. Alors pour le troisième album du coup, parce que là la campagne est terminée. La campagne est terminée. Ah, celle-là elle est déjà terminée. Elle est terminée. Donc ça sera pour oui. le troisième voilà. album. Oh, ok, donc c'est moi, je suis embrouillé. Hein, donc bon, bah, parce que finalement il y a un album que moi je suis resté sur un album. Mm-hmm. J'avais des extraits du deuxième et là finalement il y a le troisième qui arrive en plus. Alors donc, le deuxième. Mm-hmm. C'est celui qui a été fait avec la campagne Ulule. Ouais, donc voilà. Là, celui-là, il va être donc celui-là, il va être pressé, c'est OK, c'est bon. Et nous, nous sommes déjà en train de faire les maquettes, en fait, du troisième album. D'accord, donc vous avez déjà de l'avance. Hein. Bah, un petit peu, comme on avait beaucoup de retard, du coup, du coup, de l'avance. Vous avez accumulé pendant un certain temps, et puis là, maintenant, voilà, c'est bon, vous pouvez y aller. Et donc là, maintenant, vous vous donnez à fond. C'est ça. Très bien. Donc, ce qu'on va faire, on va arrêter la petite musique de fond parce qu'il va y avoir un moment magique dans l'émission Mavrika. C'est une interprétation en direct live. Donc, ce soir, vous êtes quatre, mais il n'y a que deux personnes qui vont travailler là. Donc, vous travaillez à mi-temps. C'est comme ça que ça se passe. Et puis, il y a aussi Arnaud qui est en télétravail. C'est ça. Oui, on va dire ça, oui. Donc, ce soir, à la guitare, c'est Steph. Voilà, c'est le ça. Guitariste habituel, hein, donc et la voix, donc c'est celle de Angie. Et tout à l'heure aussi, là j'ai eu un petit appel de notre ami Christophe, le guitariste du groupe Prisma, et qui m'a dit voilà, moi j'écoute le morceau, j'ai l'impression ça me rappelle beaucoup du Led Zepp. Ah, c'est Monsieur Steph. Donc, je dis, mais t'inquiète pas, on va leur demander justement quelles sont leurs influences. Et je pense, parce que j'ai déjà vu dans votre dossier aussi, il y avait des morceaux de Led Zepp. Donc, effectivement, ça doit être une influence du groupe. Hein. Ouais, il dit, mais par contre, c'est en français et c'est super tout ça. Et tout à l'heure, Christophe va nous rappeler et on va le faire intervenir aussi dans l'émission en ligne. Voilà, donc là, pour l'instant, ben moi, je coupe les micros qui sont pas nécessaires, donc le mien. Et je vous laisse donc l'antenne sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 MHz, c'est sur le www.radio-arc-en-ciel.fr.com. ce que vous voulez, ça marche. Donc maintenant, l'antenne est à vous et vous allez interpréter un morceau qui s'appelle Rosa, le groupe Jash. Every night you can talk to me. And somewhere I know I meet you there alone. When I close my eyes, take you in my arms until together one for day until I die. Oh, you are a life in my dreams. Oh, you are alive again. Bravo. Merci. Voilà, c'est pour des moments comme ça que je fais cette émission depuis déjà pas mal de temps. En direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, une guitare, une voix, what else? Voilà, il y a tout, là, franchement. En tout cas, je le savais. Et puis, quand tu t'es mis à chanter en français, toi qui dis que tu avais du mal à interpréter ce morceau-là en français parce qu'il t'évoquait trop de choses... je pense que l'émotion là, elle est montée, et puis on a passé tous un très bon moment, en tout cas, à vous écouter avec ce titre Rosa, donc le titre de l'album numéro 2. Voilà, parce que tout à l'heure j'étais un petit peu perdu dans le numéro 2, le numéro 3. Donc Rosa, c'est bien le numéro 2. Et donc, une superbe chanson à interpréter en direct live dans les studios Radio Arc-en-Ciel avec une version spéciale Mavrika. Merci à vous en tout cas. De toute façon, ce morceau-là, je crois que je vais me le récupérer et on va le diffuser dans les prochaines émissions parce que ça c'est un morceau qu'on n'écoutera jamais dans aucune autre radio puisque c'est ma version à moi, la version que vous avez faite pour moi. Merci pour moi et pour mes auditeurs bien entendu. Très bien. Voilà donc cette très belle chanson. Alors le deuxième album, il y a combien de morceaux dans le deuxième album ? Alors 14. 14. Ah ouais. Ah ouais, non, mais. Non, il y en a 14, effectivement. D'accord, parce que justement, des fois, les albums, des fois, il y en a 8, 9, 10, mais 14, là, vous n'avez pas chômé. C'est carrément. Il fallait, hein. Il fallait. Notamment pour Rosa, en fait, il y a deux versions du morceau Rosa, puisqu'il y a la version anglaise et il y a une version française. Voilà, donc c'était un moyen de rajouter un morceau gratos. D'accord. voilà, et puis sinon pour parler un petit peu de cet album, puisqu'on a écouté Lies tout à l'heure, quand on est parti sur l'écriture de cet album, par rapport au premier, on voulait changer les choses, parce que dans le premier album, on s'était pas mis vraiment de barrière, on voulait essayer tous les styles, tout ce qui pouvait nous faire plaisir et tout ce qu'on n'avait jamais fait ensemble. Et pour le deuxième album, on a effectivement décidé de partir sur quelque chose de plus rock, voilà, dans l'écriture des morceaux, d'arrêter de s'éparpiller un peu à gauche, à droite et de rester sur quelque chose de plus blues rock. Donc influencé par les disciplines, effectivement, oui. comme on le disait tout à l'heure, mais pas que, mais en grande partie. Ouais. Et on va parler justement des influences. Alors, quelles sont vos différentes influences? Parce que on a parlé de les disciplines, parce que effectivement, il y a quelque chose qui transpire quand même dans votre musique de ce groupe-là, un groupe un groupe culte, faut le dire. Moi, je me souviens, quand j'ai découvert Led Zeppelin, pour moi, c'était quelque chose de complètement nouveau. Il n'y avait pas ça avant, et tout d'un coup, il y a une révolution. Il y a eu beaucoup de groupes dans les années 70, comme ça, qui ont changé le rock. Et aujourd'hui, on parle de rock classique, parce que ça nous paraît évident, mais à cette époque-là, non, c'était une révolution. C'était un nouveau son, c'était des guitares qui crachaient différemment. Voilà, il y avait quelque chose de... Donc, le groupe Led Zeppelin a marqué son époque, et puis des sacrés musiciens aussi. Et quelles sont les autres influences que vous avez pu avoir? Bon, on va commencer par toi, vas-y. Ah, moi, j'ai été bercée par les Beatles. Les Beatles. Voilà, mon papa encore écoutait, un autre groupe culte, franchement, les Beatles. Beaucoup les Beatles. Ma maman, c'était plus variété française, donc vraiment tout ce qui était texte. Mmh. Jean Ferrat, voilà, elle aimait beaucoup... ces chanteurs-là, c'est vrai que moi, chanteur français, hein, voilà, il faut quand même le dire, parce que on a tendance à un petit peu oublier ça. Mais moi, des fois, j'écoute des textes de ces artistes-là, je me dis franchement, c'était bien fait, c'était bien écrit, et on a un peu perdu ça. Hein. Aujourd'hui, on fait des poèmes, mais différemment. Différemment, ouais, ça a évolué. J'aime beaucoup aussi Linda Lemay. D'accord. Qui voilà, je trouve que c'est une artiste qui écrit. Des vrais textes qui... alors, il n'y a pas de faux textes, mais des vraies histoires. Voilà, des histoires où tout le monde peut se retrouver. Mmh. Et, voilà. J'aime ce côté-là, moi, dans la chanson. C'est de pouvoir, justement, raconter une histoire où les gens... Peu importe si moi, je veux dire quelque chose, si les personnes qui l'écoutent peuvent se retrouver à travers les mots, ça, voilà... On a tout gagné. C'est ça. Transmettre, on avait parlé tout à l'heure d'émotions. Les artistes ressentent. Je pense que c'est déjà des gens qui sont plus sensibles que la moyenne, puisque les artistes, voilà, ils ressentent des choses différemment. Ils ont des émotions, ils ont envie de les transmettre. Et en les transmettant, des fois, par la musique, par les arts en général, des fois, les gens qui le perçoivent ne le perçoivent pas exactement de la même manière, mais une émotion est transmise quand même, ouais. Même si elle est un petit peu déformée, parce que d'une personne à l'autre, on n'a pas le même vécu, on n'a pas la même sensibilité. Mais réussir à transmettre une émotion, c'est quelque chose qui est à la fois très dur et à la fois tellement humaine et tellement... on la maîtrise pas. On l'a pas, quoi. C'est comme ça. Et des fois, on est surpris soi-même en se disant la chanson, et puis là, on a les poils qui se redressent et en se disant « Waouh, wow, là, il y a un super truc » et on s'y attendait vraiment pas. C'est comme ça. C'est sur le moment. Pas. Ça s'explique pas. Il faut pas chercher à expliquer, justement. Et l'avantage que j'ai, moi, par rapport aux musiciens, c'est que vous avez une petite déformation. C'est que vous analysez beaucoup la musique, les notes. Moi, c'est l'émotion qui compte. Et donc, quand ça me plaît, voilà. Il y a deux accords, c'est bien interprété, ça me plaît. Ça, il y a un truc, c'est un peu compliqué pour moi, j'aime moins. Bon, voilà, c'est l'émotion, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Mais bon, et quand en plus on a la chance d'avoir des bons musiciens qui interprètent des vrais morceaux en direct live sans aucun filet, hein, parce que nous, dans l'émission, on est dans une salle, on est tous, vous êtes d'un côté, moi je suis de l'autre côté, hein, on est quand même ensemble par l'intermédiaire des ondes de Radio Arc-en-Ciel, et là c'est des micros qui sont branchés, et puis c'est tout, basta, il y a rien d'autre. Voilà. Très bien. D'autres, on va parler des influences des autres aussi, hein, parce que il y en a deux là qui parlent pas beaucoup, hein, depuis le début de l'émission. Non, mais elle parle tellement bien. Elle parle très, tellement bien. Elle a vraiment pas besoin de nous. Toi, Alexis, c'est quels sont les groupes qui t'ont fait vibrer et qui t'ont donné envie de faire de la musique? Il y en a eu tellement. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Moi, j'écoute en moyenne 12 heures de musique par jour. Donc, d'accord. Si je dois te donner toute ma playlist, on est encore là demain. Mais. Ouais, moi je suis passé par le punk essentiellement dans mon adolescence. Donc voilà, ça m'a vrillé les oreilles à jamais. Depuis, j'écoute n'importe quoi. Non, il faut pas dire n'importe quoi. Je pense que c'est bien d'écouter plein de choses. On sélectionne, mais il faut se donner la peine des fois d'écouter, parce qu'il y a des gens qui disent non, moi j'écoute ce style-là et puis basta, le reste compte pas. Quand je te disais que j'écoute 12 heures de musique par jour, j'écoute 10 heures de musique classique et après il reste 2 heures pour me salir un peu les oreilles. Ouais. Ok. Et donc c'est complémentaire, hein. Il faut dire qu'une seule musique ça suffirait pas. Il y a de la bonne musique dans toutes les, voilà. Tous les styles. Et dans de la mauvaise styles. Aussi dans tous les styles. Dans tous les styles, ouais. Aussi. Parce que moi j'ai beau dire, moi je suis plutôt orienté, j'ai une culture plutôt rock, tout ça, j'étais bercé là-dedans. Aussi, hein. Mais c'est pas parce que c'est rock que c'est forcément bien. Des fois j'écoute des autres, je dis ouais, c'est du rock, mais bon, c'est pas comme ça que je Il y en a plus beaucoup du rock. Ouais. Ça devient compliqué. Oh, il y en a quand même. Moi des fois ça me fait plaisir de voir des petits jeunes comme ça sur scène et je me dis ah, vivement, il y a un la relève n'est pas complètement assurée parce qu'il n'y en a pas autant. Mais il y a quand même de, il y a plus, oui, c'est vrai que c'est, on n'est plus à la même époque. Ça évolue. Mais non, mais les gamins, ils font du rap maintenant. Donc. Ouais, mais il y en a aussi, moi, j'en ai vu il y a pas très longtemps qui faisaient du rap rock. Aussi, hein. Aussi. Bon, moi, je suis resté. Je le dis souvent. Moi, je suis resté souvent. Je suis resté à Grandmaster Flash et Sugar Hill Gang. Ouais. Donc voilà. Moi, j'étais un peu plus loin jusqu'aux Beastie Boys et Run DMC. Oui. Ah bah ça, oui, c'est Run DMC. Franchement, il y a des super morceaux. Mais ils avaient su aussi marier les styles différents. Ouais. Parce que finalement, on dit le rap et tout ça. En vérité. Nous on catalogue tout, mais là ils avaient mélangé du rock avec du rap et quand c'est bien fait, c'est bien fait. Voilà, il y a rien à dire. C'est comme ça. Quand il y a l'émotion, il y a l'émotion. Et puis c'est tout. Très bien. Donc plein de styles différents. Ouais. Et ça c'est important d'écouter plein de choses différentes parce que il y a des choses à prendre partout. C'est important. Il faut juste choisir la bonne, c'est tout. Ouais. Très bien. Et toi Pascal? Et ben moi c'est un peu de classique, du jazz, oui. De la chanson française beaucoup aussi. Voilà, donc c'est différents styles, différentes cultures. Voilà. Mmh. Moi j'ai des images de toi dans le studio. Ah. Je me souviens, c'est moi j'aurais rêvé savoir jouer du piano comme il le fait. Franchement, je le voyais, ça a l'air facile et tout ça. C'est facile. Ah non, moi quand je prends un clavier, c'est plus du tout la même chose. Non, franchement, c'est vrai que moi j'ai des images comme ça de toi qui interprétais des morceaux ici dans les studios et je me dis waouh, super. Et c'est vrai que quelqu'un qui joue du piano comme ça, c'est super la classe quoi. Bon, un piano c'est pas facile à emmener sur la plage. Bon, c'est un peu la guitare, c'est quand même mieux. C'est plus pratique. Ça dépend là. Mais dans une soirée comme ça, quelqu'un qui se met au piano et qui commence à interpréter des morceaux comme tu le fais, waouh. À la base, c'est plus compliqué quand même. Bon, à la base, sur la plage, c'est un petit peu compliqué quand même. Ouais, tu te sens vite un peu seul. Ouais. Ouais. Quand il y a un batteur, encore ça va. Bon, après, il faut le groupe. Mais bon, c'est vrai que quand un groupe a la chance d'avoir un bon batteur avec un bon bassiste, c'est la base. Et après dessus, je pense que les guitaristes, les chanteurs, tout ça, et les pianistes. Dessus, c'est la base, comme c'est de la base rythmique. Enfin, je sais pas, ça dépend des. On a tendance à penser que, parce qu'il y a beaucoup d'instruments, on va pouvoir en fait en rajouter tous, chacun des couches et des couches. Et en fait, c'est l'inverse qui pourrait faire. Qu'est-ce qu'il ne faut pas enlever pour garder l'essence du morceau? Parce qu'on rajoutait, mais après, au bout d'un moment, on en a trop, donc on enlève, mais garder l'essence. Et des fois, c'est pas facile, parce qu'on enlève le truc, ça va plus, on le remet, et puis, jusqu'à trouver vraiment pour que le son soit clair. Voilà, ce qu'on aime, voilà. Voilà. Mais c'est vrai que, du coup, enfin, le fait d'avoir quelqu'un au clavier, c'est pas qu'un piano, il y a aussi, les sons modernes, les synthés, tout ça. On peut rajouter, évidemment, plein d'ambiances, plein de choses. Et c'est ça qui est difficile, c'est de se restreindre en fait, de se dire ah tout est bien en musique, une fois qu'on est parti à écrire, si on veut aller par là, tout peut nous plaire, et puis après c'est à réécouter, il y a des choses, faut souvent enlever en fait et simplifier pour revenir à quelque chose de plus clair dans la musique, et puis effectivement que ça laisse peut-être un peu plus de place au chant aussi. Ouais. Ce qu'on a essayé dans le NG, mais ça marche pas du tout. Non. Ah bah, non, là c'est vrai que c'est vrai que dans les années 80, on a eu la possibilité d'avoir des synthétiseurs, plein de choses qu'on rajoutait, et puis on avait tendance à en mettre de trop, et puis avec des effets pas possibles. On est revenu un petit peu en arrière parce que bon, finalement, quand on découvre quelque chose, on en joue, mais au bout d'un moment, on se dit bon non, on va quand même revenir quelque chose de plus clair, plus. Et puis aujourd'hui, on a cette possibilité d'avoir des enregistrements vintage, on a des enregistrements modernes, on a des plein de choses différentes, donc ça permet d'avoir beaucoup plus de liberté. Et puis mais bon, regarder aussi le côté du son live, en fait, c'est pas la peine de rajouter si on peut pas le faire sur scène, quoi. Donc, voilà, parce qu'il y a des choses des fois. Moi, je pense par exemple, j'avais vu un truc où on a un truc à la batterie complètement dingue, mais. Ouais, mais bon, sur scène, ils sont pas capables de jouer. Ou alors, il faut deux batteurs. Ou alors, il faut qu'il ait quatre bras. Il y a un souci. Donc après, c'est bien d'en rajouter, mais il faut que ça reste réaliste quand même. Je pense. Il faut être capable de le rejouer sur scène. Donc, et puis des fois, on voit aussi des versions qui sont simplifiées pour que les musiciens jouent sur scène. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi la présence à assurer. Et c'est pas toujours facile de faire de courir à droite à gauche avec une guitare quand on doit en même temps faire un solo. Donc forcément, mais il y a une autre dimension. Sur la scène, c'est qu'il y a le visuel, il y a les lumières, il y a tout ça, quoi. C'est formidable. Le show. Le show. Très bien, ben on va écouter un petit peu de musique. Alors moi j'avais envie d'écouter un petit Led Zepp. Donc justement comme on en parlait tout à l'heure. Tu fais bien. Et le morceau, tu te souviens du nom parce qu'il est un petit peu compliqué. Alors c'est What Is and What Should Never Be. Ouais, voilà. C'est de Led Zeppelin 2. Voilà. Et ça date de 1900, que je te dise pas de bêtises, j'ai même noté la date. Moi, je suis vraiment malade. 1969. Voilà. Très bien, donc on va écouter tout de suite ce morceau-là. Et puis après, je pense qu'il y a notre ami Christophe qui va nous appeler. Et il a aussi des dates à parler, puis il va parler avec vous, il n'y a pas de souci. On est dans l'émission Mavrica, c'est sur Radio Arc-en-Ciel. Et on est ensemble jusqu'à 22h. And if I say to you tomorrow, take my hand, child, come with me. To a castle I will take you, where what's to be they say will be me. A castle in the sea has been sailed away. Leave the day way high in the sky. And warm, but the wind won't blow. We really shouldn't go. It only goes to show. Say to me tomorrow, oh, what fun it all would be. Then what's to stop us, pretty baby? But what is and what should never be? I can't go in the sea, it's been sailed away. What you need so bad. Ooh. Voilà, reconnaissable entre mille, le groupe Led Zeppelin avec un morceau qui s'appelle What Is and What Should Never Be. Voilà, je l'ai marqué, sinon je me serais emmêlé de toute manière. Mais bon, je comprends très bien l'anglais, c'est les anglais qui ne me comprennent pas. Je ne sais pas pour quelle raison. Mais enfin, bon, on est dans l'émission Mavrika et on écoute de la bonne musique. C'est ça le plus important, que ce soit en anglais, en français ou en toutes les langues que vous voulez. Il n'y a pas de souci. Donc, on vient d'écouter un morceau de Led Zeppelin qui fait partie des influences du groupe de ce soir, le groupe Jache, qui est là pour cette émission numéro 591. Voilà, vous allez vous en souvenir de ce numéro-là. Oui. Voilà. Ce qu'on va faire aussi, on a normalement une personne au téléphone et puis on va discuter avec elle aussi. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez, il s'agit de Christophe, le guitariste du groupe Prisma. Est-ce que vous connaissez le groupe Prisma ? Alors, non. Ben, ça sera l'occasion de le découvrir, voilà. Nous, ce qu'on aime bien, justement, c'est faire connaître les gens, donc les mettre en relation. Allô, Christophe? Allô, allô? Ah, il nous entend et tout, ça fonctionne. Ça fonctionne, très bien, ouais. Ah, bah, c'est cool. Ça va, Christophe? Super bien. Bonsoir à tous les auditeurs de l'émission donc Mavrika et puis bien évidemment à Jache que je découvre en écoutant l'émission là. Mmh. Et franchement NJ t'as une super voix, voilà. Bonsoir, merci beaucoup. Ça c'est clair et on sent bien les influences 70s bien digérées et puis l'acoustique que vous avez fait tout à l'heure, franchement terrible, donc bravo à vous. Merci, c'est gentil. Ouais, merci, bonsoir, merci beaucoup. Voilà. Je t'interromps, excuse-moi, parce que là, ce que je voulais dire simplement, c'est que le morceau Rosas, il a été superbement interprété, et ça aurait été dommage de gâcher l'enregistrement. Mais alors moi, je l'enregistre ici dans le studio, et il y a notre ami aussi Florent qui l'enregistre et qui va l'extraire, et puis il va le partager en podcast. Donc si vous avez loupé ce grand moment, il y en aura d'autres tout à l'heure encore des lives. Hein, rassurez-moi. Il y en a. Ouais. Voilà, là je suis content. Là, il y aura d'autres lives tout à l'heure. En tout cas, ce morceau. Là tout à l'heure, Rosa, c'est vraiment un superbe morceau. Un très beau titre. Et interprété en direct live comme ça, franchement, il y avait tout. Et on sent l'émotion. On sent l'émotion. Très bien. C'est du live et c'est très très beau. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc rapidement, voilà, en direct, je voulais juste faire un tout petit retour sur le Creekfest 3, qui a eu lieu maintenant il y a déjà 15 jours. Une totale réussite. Une preuve de plus... à toutes les institutions qui ont du mal à faire tourner les groupes locaux, que voilà, quand on met les petits plats dans les grands, on arrive à faire de très belles choses. Et donc là, on a pris un pied d'ado, simplement, puisque on a invité un groupe qu'on a découvert, moi j'avais 16 ans, à Orléans. Et donc ça a été un franc succès. La salle était blindée. Voilà, et tous les artistes, on a fait jouer Elixir, que tu connais. Que j'ai reçu il y a quelques semaines. Hein. Voilà, c'est ça. Et franchement, j'ai bien aimé Elixir, et franchement, ils m'ont laissé un album qui est excellent. Hein, voilà. Tout à fait. Il faut le dire. Donc, ils étaient venus le 23 février, ça fait pas très longtemps, mais en tout cas, j'étais content de retrouver, dans ce groupe-là, j'ai retrouvé des membres d'autres groupes que j'avais reçus précédemment. Voilà. Exact. C'est ce que tu disais au départ de l'émission. Tout à fait. Il y a pas mal de groupes, voilà, ça bouge. La vie perso, des fois, est un peu compliqué avec la vie de musicien. Et on est tous quasiment amateurs ou amateurs plus, peu importe. Et puis on essaye de concilier tout ça. Et voilà, moi, j'ai monté l'asso, comme je te l'ai dit, dans le but, on n'a qu'une vie. Voilà, qui ne tente rien n'a rien, et en fait, faut savoir que quelqu'un qui a un peu de, excusez-moi l'expression, mais un peu de couille, on arrive à faire de belles choses, choses. Et là, maintenant, la satisfaction, c'est que nous, on a pris un réel plaisir, nous, quand je dis nous, c'est tous les ICOS qui ont participé à ce festival, de groupes locaux quand même, hein, bien évidemment, donc Elixir et donc Prisma. Effectivement, c'est une couleur de festival orientée hard metal, heavy metal, mais Mais voilà, il y a de la mélodie, il y a de la, il y a de la puissance. Oui, c'est du rock mélodique et avec des chanteurs qui ont de la voix. Et voilà. Ouais, bah, là, il n'y a pas d'exception. Hein, dans les trois exactement. Groupes, là, c'est bien le cas. Exactement. Mmh. Donc voilà, je voulais juste faire un petit flashback là-dessus. Ouais. Juste pour prouver, voilà, ceux qui pensent le contraire que des groupes locaux ne sont pas capables d'assurer des salles. Tu sais, Christophe, on s'est posé les questions plusieurs fois et puis c'est vrai que tu as eu le Craigfest numéro 2. Qui s'était superbement bien passé tout ça, mais c'était un petit peu limite au niveau des spectateurs. Et cette fois-ci, là, vous avez cassé la baraque. Donc, il y avait vraiment beaucoup de monde. Il a fallu refuser du monde même. Donc, un succès incroyable, parce que il y a fois, on se dit voilà, beaucoup de mal et on n'arrive pas à obtenir les choses. Et des fois, ça marche. Donc, quand ça marche, c'est le top. C'est vraiment formidable. Et puis, ça vous encourage pour faire le Craigfest numéro 4. C'est ça, exactement. Si j'ai bien suivi. Juste pour info, voilà, pour tous les organisateurs qui peuvent, d'événements dans le coin, qui peuvent nous écouter, voilà, faut pas lâcher prise, tout est possible, et là, je le confirme avec le Craigfest 3. L'effet Covid, ça y est, maintenant, on le sent un peu passé, les gens n'ont pas hésité à prendre leur prévente. Pas à 100%, mais pas loin. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que, voilà, ça y est, maintenant, les gens n'ont plus peur de réserver, prendre un ticket à l'avance. Parce que, juste après le Covid, effectivement, il y a eu pas mal de festivals, de concerts qui se sont annulés parce qu'il n'y avait pas assez de ventes. Ouais, et puis les associations ont un peu peiné parce qu'ils organisaient des choses, ils étaient obligés de les annuler. Après, ils savaient pas s'ils devaient organiser d'autres parce que ça risquait d'être annulé à nouveau. Donc c'était compliqué. Donc là, maintenant, c'est reparti, cet effet-là est un peu terminé. Voilà, et il semble que là, on a réussi à apporter la preuve que voilà, ça semble redevenir à la normale comme on l'a connu avant le Covid. Et là, je parle pour tous les artistes. Locaux et plus, bien évidemment. Donc, effectivement, le Craigfest 4 est déjà dans les petits papiers, voilà, puisque il y a déjà une partie de l'affiche qui est calée, puisque tu te doutes bien que voilà, si tu veux choper des artistes connus, faut pas attendre la veille pour le lendemain. Ah oui, il faut préparer, ça se prépare longtemps à l'avance, oui, c'est sûr. C'est ça. Donc, là, c'est en cours. Après, les petites informations concernant le Craigforzik, notre asso. Ouais, l'association Craigforzik, parce que depuis tout à l'heure tu parles du Craigfest et on rappelle le nom de l'association, c'est Craigforzik. Voilà, j'ai la chance en tant que président d'être entouré d'une formidable équipe. Et d'autres personnes que je connais bien et qui sont eux aussi musiciens et qui sont aussi des passionnés. C'est ça. Et sans eux, une asso n'est rien. Tu le connais bien avec Maverick Alive. Oui, avec le Maverick Alive. Ouais. Voilà. Et c'est comme ça que ça doit fonctionner et que ça peut fonctionner. Plus quelques partenaires évidemment privés pour mettre un petit peu de beurre dans les épinards, même si je suis pas du tout amateur d'épinards. Bon bref, on s'en fout. C'est pas toi qu'on appelle Popeye. Ah non, pas vraiment. Non, pas vraiment. Non. Peut-être les muscles, mais non. Bon, je plaisante, c'est un truc comme ça. Non, mais moi aussi. Oui, on aime bien rigoler. Voilà. En fait, l'idée, c'est tout simplement de se réunir. Au lieu de, entre guillemets, se tirer la bourre, même si je n'aime pas ce mot-là, c'est de se réunir un petit peu avec tous les organisateurs de festivals, de gros concerts en off par rapport aux institutions habituelles, tu vois ce que je veux dire. Et c'est de se réunir en se disant, on met nos moyens en commun, voilà, tout simplement. Moi, je dispose, par exemple, de tout un parc de matériel son et live. Oui, diffusion, des enceintes, des amplis, tout le Bataclan, quoi. Donc, c'est ça. Et puis, l'idée, c'est de se réunir, de rassembler un petit peu tout ça, de mettre nos moyens en commun, et puis de faire des événements pour que, et d'une, les groupes locaux puissent se produire en de bonnes conditions, et puis, et en même temps, voilà, les faire connaître et prouver que même sans avoir de subventions de l'État qu'on n'a jamais ou des choses comme ça, bah au moins voilà, on s'en sort, on arrive à l'équilibre et c'est le but de l'assaut. Très donc, bien. À ce point de vue-là, donc tu as le Rock in Erbrecht. Ouais, Rock qui arrive très bientôt, oui. Voilà. C'est le 25 mai. Voilà, 25 et 26. Oui, parce que tu voilà, veux nous parler de, justement, il y a une partie dont tu t'occupes aussi. Bah, voilà. En fait, Arnaud Walden, qui est le programmateur un oui. peu de tout ça et le chef d'orchestre. Oui, voilà. Le grand chef. voilà, le grand chef d'orchestre qui, donc, a prévu le 25 de faire venir donc des groupes à notoriété internationale, ouais. Des groupes français, mais qui jouent pas mal à l'étranger, donc Sidi Larsen et ouais. Princesse Leia. Ils ont aussi invité un groupe que tu connais très très bien. Oui, que je reçois la semaine d'avant. voilà, la Jarry. Le groupe La Jarry, oui. Voilà, qui excelle en leur domaine. Et puis donc, on a l'occasion avec Prisma, puisque je m'occupe, c'est mon bébé. Oui, c'est ton groupe. Hein. voilà, le groupe Prisma, donc on a la possibilité de faire ce qu'on appelle les interplateaux, parce que bah, maintenant, il y a tellement de matos à bouger et tout ça entre chaque groupe que, voilà, pour que les gens n'attendent pas bêtement, entre guillemets, il y aura donc plusieurs prestations, des petites prestations de Prisma. Donc ça, c'est le 25. D'accord. L'entrée est payante et il y a donc des préventes possibles, moins chères, bien évidemment, jusqu'au 1er mai. Donc je vous invite à tous ceux qui nous écoutent de se caler sur le Facebook de Nomad Music ou du Rock in Erbrecht, simplement. Voilà. Ouais, Nomad donc, Music, c'est l'association qui s'occupe du Rock in Erbrecht, dont s'occupe Arnaud Walden. Oui. Voilà, on rappelle tout ça. Exactement. Exactement. Donc là, Rock in Erbrecht, vous prenez votre place, c'est moins cher et au moins on est sûr du truc. Ça, c'est pour le 25. D'accord. Et puis donc, le 26, en fait, l'idée, comme il y aura une scène secondaire, on va dire ça comme ça, il y aura une scène secondaire que Krik Forzik sonorise et éclaire, voilà. D'accord. Tout simplement, et donc donner la chance à quelques artistes locaux, dont Arnaud s'est occupé. De mémoire, il y a donc Will and Guys, ouais. Que tu connais, puisque... Ouais, je connais un petit peu, ouais. Voilà, il y a mon batteur qui joue dedans. Ouais. Je crois même que c'est un groupe qui s'est créé grâce à l'émission Mavrika. Voilà. Ouais, oui, il était venu voilà. Tout seul, il cherchait des musiciens, ouais. Et grâce à l'émission, bah, il y a des musiciens qu'on connaît bien qui l'ont rejoint, donc depuis, le groupe est revenu dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour nous présenter Will and Guys, donc maintenant, c'est le nom de ce groupe-là, et en tout cas, ça envoie bien. Et puis, ils chantent en français. Donc, c'est super bien, quoi. Tout à fait. Et très puis, bien. Il y aura aussi nos amis de Blues Revenge. Voilà. Eux, je ne les ai pas encore reçus, mais il faudrait vraiment qu'ils viennent. Parce que, franchement, j'adore ce qu'ils ont fait. Ils nous ont fait un truc super bien. Ouais. Il y a pas très longtemps, je les ai vus en concert. Donc, des gens qu'on connaît aussi, hein, qui nous font du blues. La musique qu'on aime, elle vient de là. Voilà, exactement. Elle vient du blues, elle vient de là. Elle vient du blues, elle vient de là. Et donc, franchement, c'est vrai qu'il y a deux bons groupes. Je n'ai pas les noms des autres artistes. D'accord. Pour le moment, puisque c'est Arnaud qui gère un petit peu tout ça. D'accord. Voilà, effectivement, c'est un petit coup de main de Krik Forzik en termes de logistique et matériel pour le dimanche. Puisque le matériel sera en place. Et puis voilà, je crois que vraiment. Il y a de quoi passer un très très bon week-end. Normalement, il fait beau. vous avez commandé, ça y est, vous avez déjà vu avec la météo. Qui... Exactement. Normalement, il fait beau. En tout d'accord. cas, pas de pluie. Et voilà, il y a de la bonne bière, il y a des bons casse-croûtes. Il y a tout pour passer un bon moment en musique. Voilà. Exactement. Et puis, bah voilà, moi, je voudrais, je retiens évidemment le nom de Jache ce soir, puisque avec toutes ces casquettes-là, j'ai aussi une casquette programmateur, voilà. Ouais. Et donc, évidemment, je me constitue un petit dossier. Et puis, dès que j'entends un petit peu à droite et à gauche des groupes qui m'interpellent, voilà, Jach en fait partie. Voilà. Très bien, donc impeccable. Depuis ce soir, et grâce à toi, Albino. Pardon. Et donc voilà, pourquoi pas. Voilà, on sait à pas la limite, faire une scène un jour ensemble ou un truc comme ça. Voilà. Voilà, il y a plein de projets. Faut juste avoir la volonté et l'envie de s'investir et tout est réalisable en fait. Voilà, tout à fait. Bon, en tout cas, bah, super. En tout cas, t'as bien tout expliqué parce que je me suis dit tout à l'heure, tu m'as dit un tas de choses. Je me dis, je vais jamais m'en souvenir. Donc, tu vas intervenir dans l'émission et tu vas le dire avec tes mots à toi et sous forme de dialogue. Comme ça, on arrive à tout dire calmement et puis ça passe impeccable. Je veux pas empiéter sur l'émission de Jacques ce soir. Donc voilà, je vous souhaite en tout cas plein de succès. À vous, Angie, et je crois qu'il y a Alexis, c'est ça, si j'ai bien noté. Oui, tout à fait. Pascal, voilà, Stéphane et Arnaud, qui n'est pas là aujourd'hui. Qui n'est pas là, voilà. Et puis, voilà, continuez comme ça. C'est vraiment excellent ce que vous faites. Et puis au plaisir de se rencontrer, peut-être sur une scène commune, ou voir mieux une programmation. Voilà. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Christophe. Très bien. Christophe, juste avant de te quitter, je voulais rappeler juste tout à l'heure, on avait parlé justement de jeunes qui font du rock'n'roll, et on dit, il y en a plus beaucoup et tout ça, mais je me suis rappelé justement le concert que vous avez fait à l'Argonaute il n'y a pas très longtemps, avec le GDM, voilà, un groupe qui envoie du bois, franchement, et d'ailleurs, je ne les ai toujours pas contactés, mais si un jour ils veulent venir dans l'émission, il n'y a pas de souci. Pas de problème, je ne sais pas, en fait, rapidement, ce sont des bénévoles de base, ce sont des bénévoles de l'asso, d'accord. Des gamins qui sont des potes à mon gamin. Ah d'accord. Voilà. Et tout simplement en discutant zik ensemble, j'ai trouvé qu'il y avait des artistes en influence commune. Et puis voilà, pour les remercier du coup de main sur le Creekfest 2. Je les ai conviés dans mon studio pour qu'ils puissent enregistrer au propre, même sans faire de mix, mais au moins les prises de deux ou trois morceaux. Et franchement, ils m'ont mis une claque. C'est des gamins de 21 ans. Et des claques comme ça, on en prendrait souvent. Avec plaisir. Ça, c'est sûr. C'est un coup à devenir mazo, ça. Et puis voilà, en fait, comme Prisma faisait sa release pour la sortie de leur album Way of Life, je me suis dit, tiens, pourquoi pas GDM en première partie pour leur mettre un petit peu. C'était leur première scène, quand même. C'était super bien. Voilà, on a fait salle pleine et là, je pense qu'ils ne devraient pas trop tarder à sortir quelque chose de propre, peut-être un EP, peut-être, je ne sais pas, un mini EP. Et donc, on les verra probablement, même certainement, sur des prochaines scènes, notamment avec Creek for the Tour, c'est sûr. Très bien. Voilà. Donc, en tout cas, tu nous as rassuré sur une chose. On a parlé des nouveaux des jeunes qui arrivent. Donc, le rock'n'roll n'est pas mort, ça c'est sûr. C'est certain. Avec le Creek Fest que vous avez eu, là, on en est certain. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose. Des fois, ça demande d'être prouvé, mais là, on a prouvé que finalement, le rock'n'roll continue. Et donc, c'est le plus important parce que la bonne musique, quand elle est bien faite, donc, c'est toujours un plaisir de la partager avec des gens. Et en tout cas, merci Christophe d'être intervenu dans l'émission pour nous parler de tout ça parce que c'est important. Grâce à Mavrika, comme d'habitude, il y a énormément d'écoute et voilà, ça ouvre des portes. Il y a plein de connaissances qui sont faites comme ça et puis plein d'événements qui ont été réalisés grâce à cette émission. C'est un peu le trait d'union entre les artistes et puis le public. Et puis on fait un petit clin d'œil aussi à Christophe de l'émission Electric Shock. Voilà, tu vois, comme je m'en souviens cette fois-ci. C'est un peu plus métal que son émission. Mais il le fait avec son cœur et puis il le fait très bien. Donc Tout comme toi. Ouais. Tout comme toi. Voilà. On est tous des bénévoles sur Radio Arc-en-Ciel. On le fait avec notre cœur. Heureusement. Vous le faites bien. Et les groupes, je pense que même Jach pourra confirmer, grâce à des gens comme vous. ça nous permet de nous diffuser un peu plus que parce qu'on n'a pas accès à toutes les grandes stations nationales, sauf pour l'instant, pour l'instant. Grand coup de bol. mais voilà, ça fait plaisir. Et puis moi, je prends un pied phénoménal d'entendre du Prisma quand j'allume mon poste. Voilà quoi, c'est top. Tu n'imagines pas. Quel morceau j'ai programmé juste après. Bon, allez, au hasard, Tell Me Why ou No More Tears. C'est No More Tears cette fois-ci. C'est vrai que j'ai beaucoup diffusé pendant l'été. Là, j'avais un petit peu arrêté. Et là, je me suis dit, non, c'est quand même un super morceau. On va le rediffuser à nouveau. Donc, c'est le morceau qu'on va envoyer juste après. Et après, on se retrouve avec le groupe Jache. C'est ça. Puis plus de larmes et plus de mensonges. Comme le dit aussi, d'ailleurs, Jache. Jache. Hein? C'est voilà. En tout cas, je te remercie. je te remercie beaucoup, Christophe. Et puis moi j'ai cette chance-là de parmi mes auditeurs d'avoir des grands artistes et plein de gens aussi qui s'occupent aussi des associations. Parce que toi, t'es à la fois un artiste et en plus tu t'occupes des associations. Donc tu aimes la musique, tu aimes. Parce que j'aime ça et parce que il le faut. Voilà, tout simplement. Très bien. Tout simplement. Voilà, vive le rock'n'roll et, et à très bientôt en tout cas. Merci de ton intervention. Allez, salut, ciao, merci la bise. Bye bye. On écoute No More Tears et puis après on se retrouve avec le groupe Jache. Take these every time. groupe Prisma avec No More Tears et on revient dans les studios de Radio Arc-en-Ciel avec notre groupe invité après l'intervention de Christophe, le guitariste des Prisma. Voilà, donc il avait pas mal de choses à nous dire et il nous l'a dit en direct live. Donc on revient avec le groupe Jache, qui a sorti un deuxième album et qui est en train de préparer le troisième. Donc tout à l'heure il y a eu une interprétation en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, un morceau qui s'appelle Rosa. Il va en avoir d'autres tout à l'heure et on va continuer à discuter. Justement, on a parlé des événements avec Christophe, on va rappeler les dates de Jache, de concert de Jache dans les prochaines semaines. On l'a déjà dit tout à l'heure, mais on va les rappeler à nouveau. C'est bon, vous les avez? Oui, dans ma tête. Dans ta tête. Dans la tête des autres. Ah, bravo. Bah, c'est bien parce que moi je suis obligé de me faire des petites fiches parce que sinon je m'emmêle un petit peu, mais oui. si vous arrivez à tout vous souvenir, donc vous êtes plusieurs, ça c'est plus facile aussi. Alors, le 25 mai. 25 du mai. Coup. Donc, au même temps voilà. Que le Rock in Rebrèche. Mais... On ne sera pas à Rebrèche ce soir-là. Voilà, ça sera pour une prochaine fois. Mais donc, bon, voilà, ça arrive. Bah oui, ça arrive. Ouais, ça arrive. Voilà. Les Greniers de Vineuil, à partir de 20h30. Par contre, il faut réserver sur le site du groupe Jache. Vous avez un lien pour réserver. Il y aura un petit repas avant, à 19h, et à 20h30, début du concert. D'accord. Le 21 juin, rue de la... Rue du Commerce. Commerce. Ah, pour la fête de la musique. Rue du Commerce, tout pour à la fête fait. De la musique. Pour la fête de la musique. Le 22 juin, à Villelin, sur la place, à Villelin. Dans le Loiret. Dans le Loiret, mm-hmm. Tout à fait, merci. Ah, donc voilà, la radio, elle est sur dans le Loiret, donc à Fleury-les-Aubrais, à 5 minutes du centre d'Orléans. Et effectivement, pour les gens qui écoutent, il y en a une grande majorité qui est de la région orléanaise. Donc forcément, quand c'est plus près de chez eux, c'est mais aussi oui. Beaucoup plus facile d'y aller. Mais quoique... Les autres dates sont à des endroits qui ne sont pas inaccessibles non plus. On peut y aller, voilà. Après le 20. Après, ça sera compliqué pour la tournée américaine et tout ça, mais bon, pour l'instant. On offrira des billets. D'accord. Ok. Le 27 juillet, c'est le Festival Rock à Châteaudun. Mm-hmm. Et le 17 août, à Ouc-la-Nouvelle, dans le 41. Très bien. Donc, voilà les dates. Alors, vous avez un Facebook. Donc moi à chaque fois je mets Jache, oui. Il y a groupe Jache qui apparaît, donc c'est vous ça, cherchez groupe Jache, ça sera plus simple. Donc et nous avons un site internet. Voilà où il y a des vidéos, des photos, vidéos, photos, des l'histoire du groupe, des groupes, l'agenda, ouais, il y a tout. Donc le rappel, tout ce qu'on a dit ce soir dans l'émission, on peut le retrouver là. Et vos CD, où est-ce qu'on peut les procurer? Alors ils sont en vente aussi sur le site. Mmh. Et vous pouvez faire la demande sur la page Facebook. Très bien, et puis lors des concerts aussi, non? Ah oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Voilà, vous avez toujours vos valises. Toujours. Avec il y a les CD, il y a quoi d'autre? Il y a d'autres petits trucs comme ça, des petits... Pour l'instant, il n'y a que les CD. Il y a que les CD. Et on avait justement dans l'idée de faire des t-shirts. Très bien. Voilà. Non, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont friands de ça, ils vont à des concerts, il faut qu'ils ramènent le t-shirt ou alors le badge ou le décapsuleur, il y a plein de choses comme ça, ou le stylo tout simplement. Et donc ça fait des petits souvenirs et c'est vrai que le CD, il faut le ramener quoi. Voilà. Est-ce que vous avez pas envie un jour de faire un vinyle ou un truc comme ça? On en parlait, j'en parlais tout à l'heure avec des personnes, ils disent oui, le vinyle revient et il y a des gens qui font des... Tiens, il y a le groupe RN6 qu'on a déjà reçu il y a quelques temps, d'ailleurs que j'aimerais bien recevoir à nouveau parce que c'est un groupe que j'aime beaucoup. Ils ont sorti un vinyle. Et c'est vrai que c'est l'objet, quoi, et ça revient un petit peu, et puis les collectionneurs, ils adorent ça, quoi. Oui, non, mais on n'a pas abordé le sujet, mais mm-hmm. Pourquoi pas, effectivement. Pourquoi pas. Ouais, c'est... Après, en fait, par rapport aux morceaux et aux albums, nous, on a fait plutôt une diffusion dans la modernité, sur les mm-hmm. plateformes de streaming oui, voilà, qui sont connues maintenant. Donc maintenant, on peut trouver les deux premiers albums sur les plateformes de streaming. Mm-hmm. Mais pourquoi pas revenir au vinyle, ouais. Ouais. Pour le troisième album, pourquoi pas faire une version. Ouais, c'est vrai que, bon, après, le vinyle, ouais. C'est l'objet. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on dématérialise tout. On l'a remplacé très rapidement le vinyle par le CD et finalement il y a un petit retour en arrière parce que l'objet bon on n'a pas la même écoute quand on écoute sur une platine disque, le son n'est pas le même, on n'a pas la même, il faut pas être loin parce que il faut retourner le disque tout simplement hein. Puis il faut mettre le diamant sur le sillon et tout ça et puis aujourd'hui on dématérialise les choses et c'est vrai qu'on a tendance à télécharger plein de trucs sur nos téléphones, sur nos ordinateurs. On stocke, on n'écoute jamais, et puis on oublie, et puis c'est tellement facile d'avoir les choses. Alors qu'un vinyle, vous le rangez quelque part, un jour vous retombez dessus, et tiens, je vais le réécouter à nouveau. C'est Il vrai, est là c'est physiquement. Ça. C'est donc moi je sais que j'ai ce lien là par rapport à ce support, mais bon après il y a aussi des groupes qui sortent des cassettes là dernièrement. Je sais pas si vous avez entendu parler. Donc il paraît que ça coûte pas très cher. Mais bon, il faut avoir le lecteur, et aujourd'hui, lecteur, ça devient un petit peu compliqué. Hein. Non, vous êtes nostalgique des cassettes, non? Cassettes, non. Non, non. Je crois que tous les gens qui ont connu les cassettes étaient bien contents de les avoir. C'était le seul support sur lequel on pouvait enregistrer à une époque, hein, à la maison. Mais aujourd'hui, il y a tellement plus de facilité avec le numérique et tout ça, avec une qualité qui se conserve très longtemps. La cassette, le problème, c'est que si on la stockait mal, on perdait un petit peu de la qualité, et puis bon, ça vieillissait. Mais bon. C'est ça, j'ai encore des cassettes. Qui ne se souvient pas du cliquetage de spaghettis dans le lecteur. Ouais. Là, cassette ouais, avant, ça avec le crayon, voilà, qu'on rembobinait, nos cassettes. J'ai des cassettes encore, où j'ai une dizaine d'années. Et je fais mes premières compos. Non, mais les gens ne se rendent même pas compte. Moi, j'ai fait de la radio, il n'y avait que des vinyles et des cassettes. Et on ne se rend pas compte de la difficulté. Une cassette, quand vous devez caler un morceau qui est au milieu du truc, il faut écouter, caler le machin, et vous passez un temps fou. Aujourd'hui, on appuie sur le lecteur, piste numéro 4, piste numéro 4. Les cassettes, c'était compliqué, quoi. Mais on a travaillé avec ça pendant quelques temps. Bon, voilà la petite parenthèse. Donc, on revient en groupe Jache. Alors, vous avez déjà fait le deuxième album, le troisième est en préparation, il y a déjà plusieurs morceaux. Il y a combien de morceaux pour le troisième? Là, il y en a 4-5. Là, pour le moment, il y en a 4-5 de plus. 4-5. Ouais, vous allez faire un album de 14 morceaux à nouveau ou... Moins, je pense. Je pense moins. Moins ouais. 10 ou 12. 10 ou 12. Ce qui est déjà un bon album aussi. Hein. On verra. On sait qu'on a quelques morceaux. Et puis après, en fait, le reste est à écrire. Donc on ne sait pas où ça va nous emmener encore. Mmh. C'est ça qui est chouette, en fait. Très bien. Vous répétez régulièrement ou comment ça se passe? Toutes les semaines? Toutes les semaines, non. Ça dépend de voilà, s'il y a des dates qui arrivent, on a plus de répétitions. Voilà, on se retrouve plus souvent. Avec Pascal qui est un petit peu plus loin de nous, on essaye d'organiser des répétitions au moins une fois par mois avec lui. Mais si on pouvait répéter avec un live, ça m'arrangerait. Ah ouais. c'est vrai. Bon, alors là, on me pose beaucoup de questions en ce moment. Je pense que les gens commencent à voir l'année qui passe et qu'il n'y a pas de Maverick à live de prévu. En vérité, il y en a un de prévu, c'est le 16 novembre. Le 16 novembre, et déjà plusieurs groupes ont postulé. Il y en a au moins 5 qui ont postulé. Pour l'instant, c'est pas officiel. Ils m'ont dit, voilà, si jamais il y a un truc, donc on va rajouter tout le monde sur la liste, on va procéder à des votes comme on fait habituellement, et ceux que le public aura choisi iront sur le prochain Maverick Alive. Donc c'est la version numéro 13. Je sais pas, il me fait un petit peu peur ce numéro là, mais bon, à la limite, bon, c'est les 13 ans de Maverick aussi, donc mais bon. Non, on les fait toujours le samedi. Voilà, donc le vendredi. Ouais, donc voilà. Et après, certains disent que ça porte bonheur. Donc voilà. Je ne sais pas si on fait comme les Américains ou dans les buildings, on passe du 12 au 14 directement. Il n'y a pas de 13. Il n'y a pas de 13. Il n'y a pas de 13. Ouais. Ils sont superstitieux. Bon, on ne sait pas si on doit l'être ou pas. En tout cas, ça sera le numéro 13. Ça sera le 16 novembre. Donc, et pour l'instant, on est en train de discuter un peu de tout ça. On est en train de préparer tout ça. Mais on a encore un petit peu de temps. Donc d'ici là, on en reparlera dans l'émission Maverica, et puis on en parlera aussi, on partagera pas mal de choses sur le Facebook de l'émission et de l'association, parce qu'il y a un Facebook de l'émission Maverica, c'est Albino Maverica, il y a aussi Maverica Photo de Concert, il y a aussi le nouvel agenda de Maverica, il y a aussi Maverica l'asso, il y a plusieurs Facebook, donc vous pouvez aller dessus, et c'est vrai qu'actuellement il n'y a pas beaucoup d'actualités, on va remettre ça en route, et puis on va remettre tous les gens au courant, et puis faire vivre l'association, ça c'est important, parce que bon, nous on est des passionnés, on fait ça avec notre cœur, et on ne gagne pas du tout d'argent avec ça. Au contraire, des fois, on met quelques pièces pour pouvoir continuer. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Nous, on fait de la musique avec les artistes qui veulent bien jouer sur une belle scène, parce qu'on a la chance d'avoir une belle scène et une salle qui est prêtée par... par la mairie de La Chapelle-Saint-Mesmin. Donc voilà, c'est pour cette raison-là qu'on veut faire profiter à des artistes d'une belle scène. Et puis ce qu'on espère aussi, c'est qu'il y ait beaucoup, beaucoup de public. Ça, c'est important aussi. Voilà. Très bien. On revient au groupe Chage. Donc on vient d'annoncer les dates de concert. Ça, c'est important. On peut les retrouver sur le Facebook et sur le site, ça aussi. Sur le site, oui. Sur le site. Après, sur le Facebook, c'est quelques semaines avant, on publie un événement. D'accord. Voilà. Mais sinon, sur le site, il y a tout. Très bien. Donc les événements, moi j'ai l'habitude de les partager donc sur Mavrika, le nouvel agenda de Mavrika, parce qu'il y avait l'agenda de Mavrika qui avait été piraté. Je sais pas s'il a été piraté, mais je pouvais plus rien mettre dessus. Je mettais des trucs, ça passait pas. Donc il a fallu que j'en crée un nouveau. Donc l'ancien existe toujours, mais c'est plus d'actualité. Hein, c'est le nouvel agenda de Mavrika. Voilà. Très bien. Vous avez amené vos instruments, vous avez peut-être envie d'interpréter des morceaux en direct live. Je vois Angie qui sourit. Moi, ça fait plaisir parce que je sais que il y a des musiciens comme ça. Moi, des fois, je reçois des musiciens, ils sont venus pour jouer. Et des fois, je leur pose des questions et je vois qu'ils ont envie de jouer. Et donc, moi, ce que je fais, je leur donne l'antenne parce que c'est un plaisir pour moi de voir les artistes. Je suis un privilégié quand même. Je vous vois tous les vendredis soirs. J'ai des concerts juste pour moi, visuellement, et pour tous les auditeurs au niveau de l'audition. Ils pourront donc juger aussi de vos prestations. Donc, le prochain morceau que vous allez interpréter s'appelle comment ? Into the Life. Into the Life. Non, c'est pas celui-là. Non, je vais passer Into the Grave. Tu veux qu'on passe le morceau d'abord, hein, comme vous voulez. Ouais, c'est vrai qu'on n'avait pas dit exactement l'ordre, mais bon, comme vous voulez. Non, vous je voulez suis prêt, on va jouer d'abord. Allez, on joue. I love life. Donc, on aime la vie. Voilà. Et on l'écoutera juste après le morceau. J'ai éclaté. Et calé, il est calé. Hein, il n'y a pas de souci. Mais je me suis dit priorité au live. On fait comme ça. Ouais. Quand vous voulez. Suffering, far too deep, but far too deep. Oh, I love life. I'm telling you, I'm writing for you. Oh, I love life. I'm telling you, I'm writing it for you. Jusqu'à la dernière note, c'est comme ça dans l'émission Mavrika, une interprétation en direct live, et c'était de la perfection, franchement, l'interprétation, une superbe voix, un superbe guitariste, et voilà, il y a, et puis les autres, on va dire quand même, les chœurs aussi ont été faits par Alexis, parce qu'il est bassiste, mais il a aussi une belle voix, là, on a pu le voir, et vous avez bien marié, les voix étaient bien mariées, c'était super, franchement, une très belle interprétation du groupe Jache, et c'est une chanson qui s'appelle I Love Life. Voilà, j'aime la vie, ça, moi ça, j'aime ça. J'aime ça, les gens qui aiment la vie, qui ont envie de partager des bons moments avec les autres personnes, et c'est le cas ce soir dans l'émission Mavrika. Vous êtes en place, vous avez envie d'interpréter un autre morceau ou comme tu veux, comme vous voulez, un deuxième, allez, un petit deuxième, on fait un deuxième, allez, on fait l'autre. Allez. Alors celui-ci viendra du premier album, du coup, et il s'appelle Supplice. Supplice. Il faut Je repense à ces moments de violence et de cris où je crois que ma vie finit. Quel moment d'émotion dans l'émission Maverika ce soir, avec une chanson. Je me dis, mais c'est une chanson, c'est pas simple à interpréter, et vous le faites comme ça, comme si c'était, voilà. En tout cas, c'est un vrai plaisir de vous voir interpréter ce morceau en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. J'ai vraiment de la chance d'avoir des bons groupes. Les meilleurs groupes sont dans l'émission Maverika. Ça, je vous le dis depuis des années. Et puis, le groupe Jache, si vous les connaissiez pas encore, il faudra les découvrir. Et pourtant, ils sont déjà venus ici, ils ont déjà participé à Maverika Live. Donc, je n'aurai de cesse de te dire du bien de ce groupe là, parce que franchement il y a rien à dire. Vous avez fait des super interprétations là, en plus en français, en anglais, et puis l'émotion et puis j'écoutais les paroles, tout ça, c'est poignant, c'est vachement bon. Écoutez, moi en tout cas je suis conquis, et j'espère que tous les auditeurs aussi. Merci de leur côté du poste transistor ont subi la même chose que moi, en tout cas un très bon moment, et c'est pour ça que je fais l'émission Maverika. Voilà. Merci. Très bien, le groupe Jache ce soir dans l'émission numéro 591, et ça commence à faire quand même presque 600 émissions bientôt, et puis 14 ans donc que j'ai commencé à recevoir des artistes, et donc ce soir c'est le groupe Jache. On va rappeler un petit peu les gens qu'on va recevoir très bientôt. Donc le groupe Jache, la semaine prochaine ça sera Alex Lebaille, je sais pas si vous connaissez. Non, ça sera l'occasion de si vous écoutez. Elsia aussi, qui viendra dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, qui nous fait à chaque fois, elle nous fait des superbes clips, et avec des singles accompagnés d'un superbe clip à chaque fois, c'est super bien. Donc on est très content de la recevoir. Le groupe La Jarry, et on va recevoir aussi le vendredi 24 mai, juste avant le Rock in Rebrèche, juste avant votre concert aussi, le groupe BRS Band, un groupe que je connaissais pas du tout. Ils m'ont contacté. J'ai suivi au téléphone il n'y a pas très longtemps, j'ai eu Céline, la chanteuse, et je pense qu'on va passer encore un bon moment dans l'émission Maverika. En tout cas, ce sera une émission de découverte pour moi. Donc, merci à tous ces groupes de venir. Et puis, c'est ouvert. Là, j'étais en vacances pendant 15 jours, là, je suis revenu. Donc maintenant, si vous voulez venir dans l'émission Maverika, c'est le moment. Vous pouvez encore caler des dates. après le 24 mai. Voilà. Donc ce soir, c'est le groupe Jash et on est encore ensemble pour quelques temps. On va essayer d'en profiter au maximum. Déjà, envoyer le morceau qu'on avait calé parce que tout à l'heure, on l'avait prévu avant et après. J'ai fait et un puis... mix en plus. Ouais. Et donc, le morceau s'appelle Into the Grave. Grave. Et moi, j'avais dit Into the Groove. Non, parce que, bah oui, mais c'est ça, à un certain âge, on a besoin des lunettes. Et puis, quand il n'y a pas assez de lumière, on défendit un peu n'importe quoi. Ça aurait pu être ça, hein. Mais bon. Donc, c'est un morceau qui danse, qui bouge quand même. C'est ce que vous m'avez dit. Qui est Into the Groove. Into the Groove. Non, c'est un morceau pop rock. Pop rock. Très voilà, bien. Avec un texte un peu sombre. D'accord. Ouais, vous avez quand même des textes qui sont je sais pas, vous mettez beaucoup de choses dedans. On sent que et en plus c'est pas facile à interpréter des trucs comme ça. Vous avez quand même des textes qui veulent dire quelque chose, qui sont pleins d'émotions, qui sont pleins de ressentis et qui peuvent parler à tout le monde. Je pense. Qui peuvent parler à tout le monde parce que je crois qu'on est tous sensibles à ce genre de morceaux et de textes en tout cas. On écoute Into the Grave, le groupe Jash. Voilà, on vient d'écouter encore un morceau du groupe Jash. On est là pour faire découvrir justement le maximum. Donc il y a eu des interprétations en direct live, des versions à album. Et là, on vient d'écouter un morceau qui s'appelle Into the Grave et c'est le groupe Jash. Donc on a encore d'autres morceaux qu'on a calés sur les platines. Donc on arrive vraiment à la fin de cette émission. C'est vrai que ça passe trop vite. Donc moi, ce que je propose, c'est que le groupe Jash revienne dès qu'il a envie et pour nous tenir au courant justement de l'évolution du groupe. Et n'oubliez pas qu'ils sont en concert, donc les dates vous pouvez les retrouver sur le site internet et sur le Facebook du groupe Jash. Ils seront mis au fur et à mesure, donc quelques temps avant chaque concert. Donc n'hésitez pas à aller au concert et puis on va les retrouver tout de suite pour poser encore quelques questions. Tout à l'heure on avait parlé de plusieurs groupes. Est-ce qu'il y a des groupes de la région que vous avez rencontrés en concert, vous avez envie de parler d'eux, parce que forcément vous avez rencontré d'autres personnes et des fois avec des rencontres comme ça vous avez sympathisé avec d'autres groupes comme ça de la région. Est-ce qu'il y en a certains qui vous viennent en tête comme ça que vous avez envie de citer? Alors moi il y a un groupe que j'aime beaucoup qui s'appelle Black and Corvus, qui est un groupe métal mélodique, symphonique, ouais. Je sais pas comment je pourrais mélodique. Les... qui est voilà du métal avec du violon, des mélodies. Enfin, c'est vraiment. J'ai déjà eu l'occasion d'en diffuser dans l'émission Mavrika parce que justement il y avait un artiste, je me souviens plus lequel, qui nous avait apporté ce truc et j'avais découvert comme ça. Et effectivement, donc maintenant que tu me le cites, ça me revient. Effectivement, c'est très très puissant et très mélodique en même temps. Ouais. Tout à fait. Très c'est bien. C'est un beau mélange, je trouve. Ça change. Voilà, c'est vraiment un style de musique qui. Et vous avez eu l'occasion de les rencontrer, non? Oui. Ah ouais, d'accord. Oui, on a eu l'occasion de les rencontrer, d'aller les voir en concert. Ils sont venus nous voir aussi. D'accord. Très bien. Ah ouais. Philippe, salut. Voilà. Ok, bah, super. En tout cas, un groupe que peut-être un jour dans l'émission Mavrika. Ça serait bien. Oui, il n'y a pas de souci. Nous, on est là pour ça. Moi, je suis là depuis pas mal de temps. Et vous avez connu différentes étapes de l'émission Mavrika. Une étape où on était très nombreux dans les studios, où il y avait on avait beaucoup de temps, on commençait tard. C'était plutôt une émission de nuit. Maintenant, ça change un petit peu. Actuellement, je suis tout seul. S'il y a un assistant qui a envie de venir partager quelques émissions avec moi pour l'avenir, il n'y a pas de souci. On peut s'arranger. Effectivement, nous aussi, on a peiné un petit peu avec le Covid, la reprise derrière et tout ça. Aujourd'hui, maintenant, on reçoit des invités pour le grand plaisir des auditeurs et le mien aussi. Et aussi des artistes, parce que à chaque fois ils sont tous ravis de revenir dans l'émission Mavrika. On n'a jamais maltraité d'artistes dans l'émission. En tout cas, ça s'est pas su. On s'est débrouillé pour que. Alors justement, en parlant de ça, je vais te dire. Voilà. Bon. Non, tu parlais sinon des groupes du coin. On parlait de la Jarry tout à l'heure. Ça me renvoie à de très très longtemps un souvenir parce que j'ai travaillé avec eux, mais ça remonte à très très très longtemps. Voilà, nous étions jeunes. Non, puis je pense à aussi un groupe de notre ami Pascal, anciennement Panic Man Ben, qui maintenant s'appelle Beyond Schizo. Voilà, donc c'est pareil, on pense à eux, on est allé les voir à l'Astrolabe jouer, c'est assez sympa. D'accord, ce voilà, Panic Man Ben, ouais, je les avais vus au Gerge aux Plages, il me semble, ouais. Ah oui, c'est possible. On est allé voir quelques fois en concert. Et enfin, maintenant, voilà, le groupe s'appelle Beyond Schizo, donc on passe un bonjour. Beyond Schizo, d'accord. Pascal, Benjamin et tous ses acolytes. Voilà. Ok, d'accord, très bien. Donc c'est bien de citer des. Parce que moi, depuis que je reçois des invités, j'ai pas encore fait le tour. Hein. À chaque fois, j'ai découvert et ça me fait vraiment plaisir de voir qu'il y a du monde. Et en plus, à chaque fois, moi, je suis un peu surpris, c'est qu'on a des artistes de grande qualité. Et moi, ça me fait plaisir de les recevoir dans mon émission, parce que des fois, quand j'écoute la radio et que j'entends des trucs, je me dis, mais ça marche, ça. Et je me dis, et les artistes que je reçois, comment ça se fait? Je trouve qu'ils ont autant de talent, sinon plus, et voilà, c'est comme ça. Bon, donc après, il y a peut-être aussi des gens qui les boostent un peu plus, qui sont plus diffusés dans les radios périphériques. Il y a peut-être une question d'argent aussi, que nous, on n'a pas. Il y a quelque chose comme ça, mais bon, en tout cas, nous, on fait ça avec notre cœur, et on reçoit des artistes qui sont de vrais artistes. Et ça, c'est le plus important, parce que dans les autres radios, vous les écoutez pas chanter en direct, hein, en tout cas. Voilà. Très bien. D'autres artistes aussi à citer? Si, moi je pense à un groupe du Loir-et-Cher. Ils sont très jeunes, ils s'appellent Scandale. Voilà, ils viennent de sortir un album il n'y a pas si longtemps. On est allé les voir aussi au Château d'Eau et voilà, ils sont pleins d'énergie sur scène. Et voilà, c'est marrant, aller les voir, il faut les encourager parce qu'ils sont, ils sont fun. Voilà, ils sont très, très super, fun. Très bien. Pascal, les tourneurs Fraser, oui. Ils en sont où alors? Ça me dit quelque chose. Oui, ça me dit quelque chose, parce que vous étiez venu déjà dans les studios Fraser. Le premier album a été, était sorti en 2017. Le deuxième est en cours de préparation. Il nous reste 3-4 chansons à écrire. Et aujourd'hui, c'est un événement spécial, parce que c'est l'anniversaire du chanteur. D'accord. Voilà, Patrick, bon anniversaire. On lui souhaite un anniversaire, Patrick. Voilà. Et puis, dans les dernières dates, on a joué à Vannes-sur-Cosson au mois d'avril, mars, je ne sais plus. Et puis, avril, on a fait Selom, dans le Loir-et-Cher. Voilà, et puis voilà, ça suit son cours. Et c'est le deuxième album qui nous prend pas mal de temps. On commence par l'écriture des textes et après, je rajoute la musique. Donc voilà, j'attends que les textes soient un petit peu Patrick, plus Patrick, on se dépêche. Il m'a promis qu'il finirait avant la fin juin. Donc Patrick s'est enregistré à la radio. Tu n'as plus le choix. Il n'a plus le choix, il est obligé. Voilà. Hein. Et puis après, on essaiera d'aller voir Stéphane, notre ami au studio Emergence. D'accord. Pour faire l'enregistrement et puis sortir le deuxième album. Donc vous enregistrez à nouveau au studio Emergence. Sûrement. On ne change pas les choses qui marchent bien. Oui, voilà. Et voilà. On fait un petit coucou à notre ami Stéphane d'ailleurs, parce que ce studio-là, il y a une histoire aussi. Il y a aussi une histoire avec l'émission Mavrika. C'est là qu'on a enregistré la chanson Mavrika, une chanson dans laquelle on avait réuni de nombreux, je crois qu'il y en avait une vingtaine, nombreux artistes, chanteurs ou pas. Il y en a qui étaient chanteurs, qui sont venus avec leur voix de chanteur, et d'autres qui ne l'étaient pas, mais qui ont voulu chanter aussi, qui mettre leur voix sur cette chanson. Et donc c'est grâce à notre ami Stéphane qu'on l'avait enregistré. Et d'ailleurs, ça fait un petit moment qu'on l'a pas diffusé, donc je vais essayer de la programmer dans les prochaines émissions, parce que c'est vrai qu'on l'a tellement passé, mais bon, il y a encore des gens qui ne connaissent pas la chanson d'Amérique, ce qui est un petit peu dommage quand même. Donc voilà, c'est sûr qu'on l'écoute pas dans les autres radios, parce que c'est spécifique à mon émission. Voilà, c'est le problème, il est là. En tout cas, on remercie notre ami Stéphane et Anne-France. Oui, tout à fait. Voilà, donc qui est sa compagne et qui fait de très belles photos. Qui fait de belles photos, voilà. Et qui est une passionnée aussi. Oui. Et voilà, c'est des gens qu'on aime beaucoup et qu'on apprécie beaucoup. Donc ça sera là que vous allez enregistrer le prochain album. Il sortira dans combien de temps, tu m'as dit Fin juin, il est fin juin. Non, fin juin, c'est la chanson, après il faut qu'on les rôde. Donc, je sais pas, on va dire peut-être début d'année prochaine. N'hésitez pas à me recontacter pour venir dans l'émission, vous êtes toujours les bienvenus. Vous faites déjà partie de l'America Family, donc moi j'oublie pas les choses, les artistes, et puis ça me fait toujours plaisir de les retrouver, et puis voilà. Et puis après on prend des photos. La petite particularité, c'est que voilà, on a piano, chant et sculpture sur scène. Voilà. Oui. Voilà. Oui, je me souviens très bien. Voilà. Ouais. Très bien. Donc, c'est vrai que. C'est notre patte. C'est le truc en plus, c'est qu'on marie les arts. Donc, ouais. À la radio, c'est pas facile de parler de sculpture, mais on peut le dire quand même et donner envie aux gens d'aller vous voir en concert et de voir justement les artistes à l'œuvre. Voilà. Très bien, donc les tourneurs Fraser, et moi j'aime bien la manière de jouer avec les mots de notre ami Patrick. Voilà. On a parlé de chansons françaises tout à l'heure, et là voilà, c'est ouais, très c'est, ciselé. Là, voilà. C'est, j'aime beaucoup la manière dont ils tournent les phrases, et c'est quelqu'un qui manie la langue de Molière très très bien, et que j'apprécie beaucoup en tout cas. Voilà, donc Patrick, joyeux anniversaire. On dirait voilà. Son âge, mais... 20, 20, 25, 27. Voilà, ça doit être ça. Ça doit être ça. voilà. J'ai calé un morceau, justement, des Tourneurs Fraser. On s'écoute tout de suite. Avec plaisir. C'est 40 000. 40 000 enfants. 40 000 enfants, voilà. Donc, je me souviens qu'il m'avait parlé de... Je me suis c'est souvenu du titre, je me souviens de l'histoire et tout ça. Tu veux peut-être nous raconter un petit peu. Oui, il avait été dans un vide-grenier, acheté quelques livres, ou regardé en tout cas, et puis il a été tombé sur un livre qui parlait des enfants dans le monde, et la chanson est née de là. Très bien, donc on écoute tout de suite les Tourneurs Fraser, 40 000 enfants. Aux armements, bouffe tous les crédits, on a déjà de quoi faire sauter la planète 30 ou 40 fois. Mais faut que l'on s'entête à fabriquer des armes dont on n'a pas besoin, à fabriquer des larmes qu'on imagine loin, comme si les distances servaient à engraisser notre bonne conscience baignée d'oisiveté. 40 000 enfants vont mourir en ce jour sans qu'à aucun moment on ne parle d'amour, trop occupé qu'on est à régler ses affaires et à se persuader qu'on ne peut rien y faire. Des trottoirs de Manille au faubourg de Bombay, des ghettos du Brésil au quart monde français, 40 000 enfants aujourd'hui vont tomber et nous pendant ce temps on n'est pas concerné. 40 000 enfants aujourd'hui vont tomber, mais surtout n'oublie pas le chèque en fin d'année à une association qui passe sur les ondes pour que ton réveillon ne souffre d'aucune ombre. C'est notre indifférence qui dicte la sentence de notre vigilance. Renaîtrait l'espérance. 40 000 enfants aujourd'hui vont mourir. 40 000 enfants, je ne peux plus dormir. 40 000 enfants qui meurent chaque jour. Et j'ai le sentiment que ça pèse pas lourd. Notre histoire pourtant a toujours démontré que le sens du vent du peuple dépendait. 40 000 enfants, tout le monde le sait, il est peut-être temps de penser à crier. 40 000 enfants aujourd'hui vont crever, et demain tout autant si nous restons muets. 40 000 enfants aujourd'hui sont tombés, je le dis en chantant, et vous qui m'écoutez pendant cette chanson de 2 minutes 20, 84 enfants qui seront morts de rien. Voilà donc les tourneurs Fraser avec un morceau qui s'appelle 40 000 enfants. Et voilà des mots un peu crus, un peu durs, mais qui sont une réalité. Et de le dire, c'est bien aussi parce que ça nous fait un petit peu mal. On dit ouais. Et finalement, on dit non, mais c'est la réalité. C'est la réalité. On vit dans un monde un petit peu terrible. Hein, il faut bien le dire comme il est. Et puis, ça s'arrange pas. Il y a pas mal de choses qui se passent en même temps. Il y a 50 guerres dans le monde. Il y en a certaines dont on parle, d'autres où on n'en parle même pas. Et voilà, il y a peut-être autre chose à faire pendant notre vie sur ce monde hein, qui est si beau et si magnifique. Et il y a tellement d'amour à partager, tellement de bons moments. Et malheureusement, il y a des enfants qui meurent, il y a des gens qui souffrent, c'est un petit peu la réalité qui est un petit peu terrible. Mais c'est bien de le dire aussi, de le rappeler, parce que on est bien tranquillement sur son canapé en train d'écouter la radio, peut-être un verre à la main. Et en vérité, il y a des choses terribles qui se passent, et c'est bien d'en être conscient. Très bien, en tout cas, le groupe. Les tourneurs Fraser et un jour dans les studios de Radio Arc-en-Ciel bientôt. Hein, pour bientôt. Bientôt, voilà. Sur bientôt sur vos antennes. Donc ce soir, c'est encore le groupe Chache hein, qui est là. Donc trois albums, donc le Olivier, le deuxième Rosa, le troisième qui est en fabrication et qui commence à se construire tout doucement. On peut les retrouver, on peut les commander ces albums-là, ceux qui sont déjà faits sur le site internet www.groupejache.com. Au concert. Dans les concerts. Et aussi, à la limite, on vous contacte sur Facebook. Et puis, ça fonctionne quand même. On s'arrange d'une manière ou d'une autre. Et puis, ces albums-là, il y en a deux hein, pour l'instant, hein, c'est ça. Hein. Un concret. Et un deuxième en fabrication. Mais et un troisième en cours de fabrication, mais musical. D'accord. Mais après. On sera averti de la date officielle de la sortie. Oui, parce que je vais être au courant. Là, pour l'instant, on peut les retrouver déjà sur les plateformes. Hein. C'est tout bien fait, ça. Ouais. Voilà, c'est bien, ça. C'est bien ouais. Ce que. Bon, j'essaie de pas me mélanger. Les musiques, oui, on peut les écouter sur les plateformes et puis sur notre site internet, groupejache.com. Là, il y a tout. En fait, il y a des photos, il y a des vidéos du groupe. Puis il y a de quoi écouter des musiques, enfin il y a vraiment toute l'actualité, les dates de concert, tout ce qui nous concerne est sur le site internet. Très bien, donc voilà, c'est là qu'il faut aller voir si vous êtes intéressé par le groupe Jache. Et en tout cas, je suis très content de vous recevoir à nouveau, hein, parce que c'est vrai qu'on se connaît depuis pas mal de temps, mais des fois on se perd de vue comme ça, et puis on se retrouve, et ben, c'est comme si on s'était jamais quitté, parce que franchement, ça va me donner envie de réécouter vos morceaux, et puis de les diffuser aussi dans les prochaines prochaines émissions, parce que j'ai l'habitude aussi de faire un petit clin d'œil à l'émission qu'on a écoutée avant. Donc quand il y a des lives, j'essaie de rediffuser les lives si j'ai eu le temps de les couper entre temps, parce qu'il y a beaucoup de travail aussi. Mais bon, ils sont enregistrés. Notre ami Florent nous a confirmé que c'était bien enregistré. Le podcast, il sera posté très bientôt, donc je mettrai le lien aussi. Donc il m'a dit peut-être demain. Bon, si c'est pas demain, ce sera après demain. C'est pas, on n'est pas à deux jours. L'important, c'est de savoir que c'est dans la boîte et qu'on pourra réécouter avec beaucoup de plaisir cette émission. On arrive à la fin de cette émission-là. Donc vous avez déjà cité vos influences, vous avez cité aussi les groupes que vous avez rencontrés, que vous avez envie de nommer. On a parlé tout à l'heure aussi de clips vidéo, justement, avec Elsia qui fait des clips vidéo. Est-ce que vous avez envie de faire des clips vidéo pour vos prochains morceaux? Mais tout à fait. Tout à fait, voilà, ça fait partie des projets. C'est vrai qu'on en a parlé tout à l'heure des projets, mais on n'avait pas abordé ce sujet-là. On a mes parents qui nous suivent dans tous les concerts, oui, dans tout ce qu'on fait. Tu les connais d'ailleurs. Oui. Ils s'occupent de nous faire toutes les images qui sont sur le site, mmh, et sur le Facebook. Mais en effet, on voudrait faire pas un clip où on joue, mais un clip avec une histoire. Voilà, ça, ce sera. Oui, surtout qu'il y a matière, parce que vos chansons justement racontent des histoires et donc les voir en image, je pense que ça serait bien. Mais bon, aussi c'est difficile il faut trouver quelqu'un qui sache bien faire les montages, bien faire les trucs, parce qu'il y a toute une mise en scène et tout ça à voir. Mais pense que vous avez ça dans la tête déjà. Vous avez déjà des images. Le plus compliqué en fait, c'est de ne pas partir dans des choses justement difficiles à réaliser, mmh, où il y a les moyens justement financiers qui commencent à entrer en jeu, où là c'est pas faisable pour nous en tout cas. Donc il n'y aura pas d'effets spéciaux avec des voitures qui explosent donc on oublie. Mais voilà, puis faire de nouveaux clips avec Pascal, Alexis et Arnaud. Mmh. Ouais, c'est bien aussi de voir les membres du groupe, parce que il y a souvent les chanteurs qui sont en avant, mais il y a tous les autres musiciens qui sont là, et c'est important aussi de voir leur visage et puis de les voir en train de jouer, quoi. C'est important, quoi. Ouais, je très trouve bien aussi. Donc clip vidéo peut-être bientôt ou... il faut qu'on en discute là. Il n'y a pas de date. Doucement mais sûrement. Alors, ce qui est important aussi, c'est de trouver un lieu, enfin faire un clip pour faire un clip, voilà. Je pense que le cadre où on fait le clip, tout ça, c'est important. Enfin, pour moi, j'aime bien, ça a de l'importance. Voilà. Très bien. Oui, c'est vrai que. Mais souvent, voilà, on voit des clips. On voit les musiciens jouer, sur une dune, mmh, ou au bord de la mer ou je ne sais où, sur un toit. Bon, d'accord, c'est bien, mais. Quand il y a une histoire, une mise en scène, des acteurs peut-être, des lieux, des beaux lieux, des... Moi je reviens à Elsia qui à chaque fois qu'il sort un single, je vous invite à regarder Elsia. Vous regardez, il y a plusieurs, il y a Liberté, il y a le dernier Cœur à cœur et tout ça. À chaque fois, c'est un petit film, quoi. C'est bien fait. Il y a des prises directes, il y a des bruits de voiture, il y a des choses comme ça. On est vraiment dans le film, et c'est elle qui choisit tout. Donc elle fait même les accessoires, c'est elle qui les fait, ses vêtements, son maquillage, son image, c'est elle qui le travaille, et c'est super bien fait, et pour ça justement elle fait ça dans des très beaux lieux, donc des châteaux, des choses comme ça, et elle nous avait raconté aussi une histoire que elle voulait une voiture décapotable assez ancienne qui était une Triumph, il me semble, et pour avoir la Triumph, elle a été voir un monsieur qui avait une Triumph, elle a dit vous pouvez pas me le prêter pour, et ça s'est fait comme ça. Donc voilà, des rencontres, des choses comme ça. Donc il y a ce côté humain qui fait. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont beaucoup de moyens, qui arrivent à avoir les choses avec de l'argent, et d'autres parce qu'ils ont leur cœur, ils ont envie de faire les choses, et elle fait des choses très bien en faisant tout elle-même. C'est formidable. En tout cas, on la recevra le 10 mai, hein, pour ceux qui l'aiment beaucoup et qui ont envie d'assister à cette émission. Voilà, donc un clip vidéo peut-être bientôt pour Jache aussi. Bientôt non, mais un clip vidéo. Un clip vidéo. Très bien. C'est dans les tuyaux. C'est bon. Pour l'instant, c'est pas encore enclenché, mais ça va peut-être venir dans le futur. Vous êtes à la radio vous avez peut-être un petit message à faire passer auprès des auditeurs. Ah bah allez-y, chacun peut dire ce qu'il a envie de dire. Alors bah moi je voudrais remercier, déjà te remercier toi, Admino. Bah, c'est un plaisir. C'est important pour nous aussi voilà, de pouvoir montrer ce qu'on fait, dire qui on est. Les réseaux sociaux c'est bien, mais voilà, la radio faut pas oublier, c'est important aussi. Donc un grand merci à toi, aux bénévoles, et puis un grand merci aussi à toutes les personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux ou pendant les concerts. Voilà, merci beaucoup, merci de nous soutenir, et pour la campagne Ulule que nous avons fait, un grand merci à toutes les personnes qui ont contribué. Parfois on peut se dire que les personnes les plus proches sont celles qui vont être là, et en fait on s'aperçoit que des personnes beaucoup plus éloignées en fait soutiennent le... Des fois on est surpris, moi je sais que agréablement surpris. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, et on se dit voilà, il y a des gens, on pense à telle personne, et puis c'est pas forcément ceux-là qui seront là, et il y en a d'autres auxquels on n'avait pas du tout pensé, hein. Voilà, on est comme ça, dans notre tête on est sélectif, hein. Il y a des gens qu'on oublie plus rapidement que d'autres, et c'est ceux-là qui sont là, et après on les oublie plus par contre, hein, parce qu'on sait que au moment où on a eu besoin ils étaient là. Et donc voilà, c'est drôle, c'est des gens on se rend pas compte qu'on les a touchés, et pourtant ils seront là donc pour nous renvoyer la balle, et voilà, donc c'est comme ça, c'est au hasard des rencontres. Il y a des gens sur lesquels on comptait pas au départ, et puis finalement ils sont là. Mais ceux qui n'étaient pas là pour ce moment-là l'étaient pour d'autres, ou seront pour d'autres. Après, il faut savoir voilà, aussi mais c'est vrai que la surprise est quand même assez grande. ça nous a touchés en tout cas. Voilà, très bien. Donc c'est bien de le dire, voilà, parce que les artistes, ils ont besoin du public, ils ont besoin d'avoir des gens derrière eux, des gens qui les accompagnent, qui les encouragent et tout ça. Et quand vous faites un concert, quand il y a du monde et que les gens sont réactifs, je crois que c'est ça le bonheur. C'est pour ça que vous faites tout ça. C'est pour passer une émotion, et quand vous voyez que ça marche, ça. Touche les gens. Voilà, c'est ça le plus important. Voilà. Les gens à la fin des concerts viennent vous voir, discuter ou. Oui, tout à fait. On a même eu des fois des demandes d'autographes. Ah bah ouais. moi déjà le premier. Hein. Attention. Le premier, je demande souvent des autographes à la fin, et puis j'aime bien aussi avoir les CD. Donc quand on m'amène les CD, moi j'ai la chance d'avoir une belle collection de CD que je numérise après et que j'évite d'amener parce que j'ai peur de les abîmer. Donc ils sont bien rangés, ils sont dédicacés. Donc j'ai une collection comme ça de CD qui vaut aujourd'hui une fortune, plusieurs milliards, je dirais. En tout cas pour moi c'est des choses très importantes. Non, c'est vrai que la valeur des choses change d'une personne à l'autre, mais moi c'est mon trésor. Voilà, quand j'ai des CD qui sont dédicacés, quand je les prends, j'ouvre la pochette et puis je vois les signatures et puis je l'écoute, c'est du bonheur. Voilà, c'est mon petit bonheur à moi. Il y en a certains, ils s'évadent avec des substances pas possibles, ou alors ils font des choses. Non, moi c'est ça, moi écouter de la bonne musique avec et rencontrer des personnes superbes, c'est le plus important pour moi. Voilà, donc ça c'est dit, c'est dans l'émission Maurica. D'autres choses à dire Oh ben moi pendant que je suis dans les anniversaires. Ouais, ouais, n'hésite pas. Donc, demain, on va fêter l'anniversaire demain d'une chanteuse avec qui j'ai eu un duo de chansons françaises qui s'appelait Valentine et ses petons. Voilà, pendant une dizaine d'années. D'accord. Et c'était que des reprises des années 1900 jusqu'à presque 2000. Voilà, donc je lui fais un coucou et un très joyeux anniversaire à Martine. Voilà. Très bien. Autre chose, Alexis? Non, qu'est-ce que tu voulais que je te dise? ce qui te passe par la tête, si tu as envie de. Non. T'adresser directement aux auditeurs, voilà. Je vais parler aux millions de gens qui nous écoutent. Mm-hmm. N'oubliez pas que le 9 juin, il y a des élections, donc soyez responsables, allez voter contre le Rassemblement National, s'il vous plaît, merci. Voilà, c'est ton opinion, tu l'as dit. Voilà. Voilà. Non, pas grand-chose. Je vais confirmer ce qu'a dit Alexis. Je suis d'accord avec lui pour aller voter le 9. Ouais, il faut bien voter. Yes, emmerde le Front National. quand je repense à toute cette histoire avec Angie, ça fait bientôt 20 ans en fait qu'on s'est rencontrés, et je mets en perspective toutes ces années qu'on a passées à rencontrer des musiciens, des gens comme toi, faire des concerts et tout, et je me rends compte qu'en fait à chaque fois c'est une chance, c'était de la chance de le faire, de le participer. De tout ça, il ne me reste que les bons souvenirs et les moments où je râle parce que le câble ne marche pas, parce que j'ai pas la bonne prise, oui, bon, parce que je suis un râleur professionnel. Ben, ouais. Je les ai oubliés. Ouais, voilà. Mais, ouais, c'est ça. Ouais. Et puis en France, on aime bien râler. Puis, oui, ça fait, oui, ça fait partie du. Voilà, c'est. Ça, donc, bon. Ouais. Ça fait partie du package. Voilà. Mais la soirée salée, la guitare était acoustique, j'avais rien à brancher. Donc il n'y avait rien à brancher. Cool. Donc forcément, ça marchait bien. Il n'y a pas de souci. Il n'y a rien de plus rageant quand on prépare les choses et qu'au dernier moment, il y a un truc qui ne fonctionne pas. Ah, ça, c'est un truc. Parce que des fois, on se dit, j'ai rien préparé, à la limite, ça marche pas, c'est normal. Mais quand on a tout préparé, on a tout vérifié, et puis au dernier moment, il y a un petit souci. Le pire, c'est quand tu, avant la veille, t'as, chez toi, déjà, t'as tout rebranché, t'as tout vérifié. Donc, ouais. Le jour même, quand ça marche pas, tu vois, le son est encore au-delà, quoi. Il y a des grandes galères, des fois, à cause de la technique, hein. Voilà. C'est une vie difficile, hein. C'est super. C'est, la technique, c'est super quand ça fonctionne. Et le jour où ça fonctionne plus, là on se retrouve souvent très démunis. Bah, avec une guitare acoustique. Ouais, ça marche bien. Quoique, des fois, c'est déjà arrivé dans l'émission. D'ailleurs, dans l'émission, c'est déjà arrivé. Alors, il faut savoir que quand les gens viennent dans l'émission, à la fin, je vais vous donner des petites feuilles dans lesquelles vous allez mettre, c'est le livre d'or. Vous mettez un petit mot, une petite signature, et je les garde, tous ces documents-là. D'ailleurs, il y a aussi dans le studio, si vous êtes dans le couloir, il y a un classeur où il y a le double. C'est-à-dire que je vais vous en demander deux. Donc, il n'y a pas celui de la semaine dernière, parce que la semaine dernière, ils en ont fait qu'un. Donc, j'ai fait une photocopie pour pouvoir le mettre ici, mais bon, l'original, je le garde pour moi. Voilà, c'est comme ça. Et justement, à un moment, je l'ai plastifié. Donc, je l'ai plastifié, je l'ai mettais dans la plastifieuse, et je mettais dedans des souvenirs. Donc, des fois, la petite carte de visite, des fois, le médiator qui avait servi à jouer dans le truc. Et une fois, c'était des cordes qui casse. Donc on avait récupéré les cordes cassées, on les avait mis dans les trucs, ça s'était emmêlé dans le truc, on avait bloqué la plastifieuse, donc voilà des souvenirs comme ça. Mais effectivement, je dois en avoir un ou deux où il y a justement les cordes enroulées sous le plastique. Bon, ça fait pas très joli, mais bon, ça, c'est le souvenir. C'est le souvenir. Voilà, des petits moments comme ça que voilà, il y a plein de choses qui sont immortalisées. Et ce qu'il faut savoir aussi, que les moments qu'on vit, on ne les enlèvera jamais. Ça fera partie de notre vie et c'est quelque chose qui restera pour toujours et on les revivra jamais. Donc même si on rencontre les mêmes personnes quelques temps après, on fera quelque chose de différent à chaque fois. Et donc c'est pour ça que il faut vivre au maximum et puis profiter au maximum de la vie et faire des choses bien. Parce que finalement le monde, on aurait tous voulu le laisser mieux qu'on l'a trouvé. Et des fois, on se pose des questions. Donc, moi, en tout cas, c'est dans mon but. C'est pour ça que dans l'émission Maverick Car, on dit des phrases magiques. On dit que le rock and roll soit avec vous. Une vie sans musique serait une erreur. Je pense qu'on est tous d'accord. Et everything is gonna be alright. Voilà, ça c'est le mot plein d'espoir. Voilà, dans l'émission Maverick Car, on est positif. On aime la musique, on aime les bons moments, on aime les moments de partage. Et c'est pour ça qu'on fait des émissions tous les vendredis soirs, déjà depuis bientôt 14 ans. Et on en est à la 591e avec le groupe Jache ce soir. Donc on arrive à la fin, on a encore des morceaux à diffuser. Donc on en est où? On en est, voilà, on avait calé le morceau... Bas en moi. Donc ce morceau-là, il est calé depuis tout à l'heure. Et je propose qu'on l'écoute tout de suite. On fait comme ça? Avec plaisir. C'est parti. enfin respirer par moi-même. Des ombres autour de moi se démêlent, elles me bousculent et déversent leur peine. Quel morceau, hein, franchement, superbe morceau, en tout cas, superbe interprétation, et bon, c'est, ça fera partie du prochain album, donc un des morceaux que vous allez intégrer dans le prochain album, c'est la version définitive, là, ou... Non, c'est une maquette. C'est voilà, une maquette, c'est, voilà. Ah bah, dis donc, alors, j'imagine la version définitive. Déjà là, il y a une pêche, il y a une... Waouh. Bravo, ben bravo en tout cas. Effectivement, ça, le fait d'avoir quand même Pascal au clavier, ça nous ouvre, comme je disais tout à l'heure, voilà, d'autres possibilités au niveau de la musique, c'est vrai, du son que et tout. Et donc, avec la voix, on entend le synthé, et tout ça, c'est avec ces trucs un peu planants là. Ça, je trouve que ça s'intègre bien. Là, j'ai écouté aussi la basse qui est régulière, bien comme il faut et tout ça, donc très bons musiciens. Bon, la guitare, il n'y a rien à dire, la voix, bon, on la connaît déjà puisqu'on l'a écouté plusieurs fois dans l'émission Mavrika. Non, franchement, continuez comme ça parce que vous avez vraiment un style à vous, et puis même si on a vu tout à l'heure qu'il y avait des influences, mais c'est des influences de bonnes influences, hein, voilà, vous avez été influencé par des très grands, donc forcément ce que vous faites est très bien fait. En tout cas, je vous encourage à continuer comme ça, et de toute façon on garde le contact. Vous revenez quand vous voulez dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, et puis si j'ai l'occasion, j'irai vous voir aussi en concert sans problème. Et continuez à nous mettre au courant de tous les concerts qui viennent, et puis dès qu'on pourra, on ira vous voir. Voilà, on arrive à la fin de cette émission, donc je voulais déjà vous remercier de vous être déplacé, d'être revenu dans le studio. C'est un plaisir, hein. Moi je suis là tous les vendredis de toute façon, hein, donc, et s'il y a des artistes ou pas, moi je suis là, et puis je diffuse les morceaux. Justement, des fois ça m'arrive d'être tout seul, ou alors il y a des désistements. C'est arrivé il y a pas très longtemps avec des Uncle Bikers, ce qui devait venir de Paris, et c'était au moment où il y avait des agriculteurs qui bloquaient les autoroutes. Oui. Donc du coup on a annulé dans l'après-midi, on dit écoutez, on annule, venez pas parce que vous allez être coincés. et on remettra ça plus tard. Ça a été fait, donc il n'y a pas eu de souci. Et je me suis retrouvé le soir, et puis je me suis dit, bon, pas de souci. Moi, à chaque fois qu'il y a des musiciens qui viennent ici, ils m'amènent un tas de musique. J'ai pas toujours le temps de les diffuser. Et ben là, c'est l'occasion, donc je balance le maximum de musique possible. Et puis après, effectivement, il y a le programme de l'émission qui est sur le Facebook, donc vous pouvez retrouver tous les titres qu'on a diffusés ce soir. Alors, il y a les morceaux en live, les morceaux de studio. Il y a tout le détail, donc voilà, ça c'est important. Et ce que je peux te dire aussi, c'est que parmi les gens qui nous suivent, ben moi j'ai la chance d'avoir un très bon public, puisque la plupart ce sont des artistes. Et là, rien qu'à regarder ce soir, tous les gens qui ont mis un petit j'aime. Donc je sais que ça va continuer, parce que le programme il est sur le Facebook, et il y a d'autres gens qui vont le découvrir au fur et à mesure. Parce qu'il y a ceux qui ont écouté, ceux qui ont mis un petit j'aime, ceux qui n'ont pas écouté, qui l'écouteront peut-être plus tard avec le podcast, et puis ainsi de suite. Donc voilà, c'est une vie. Donc l'émission c'est le vendredi soir, mais le Facebook, eh ben, il est ouvert toute la semaine, et je peux me vanter d'avoir parmi les gens, ben, la plupart ce sont des musiciens, et puis c'est des gens que j'apprécie beaucoup, donc des gens qui aiment faire de la musique et qui aiment aussi la musique des autres. Ça c'est le plus important, le partage, voilà, le partage. Voilà, en tout cas merci beaucoup d'être venu dans l'émission Mavrica. Merci beaucoup. Merci beaucoup. 591. Et puis on garde le contact. Vous revenez quand vous voulez. Il n'y a pas de souci. Je pense qu'on a tout dit. On est pas mal. Hein, on a fait un bon timing. voilà. Donc on aurait pu faire durer l'émission encore plus longtemps, mais ça nous donnera de la matière pour une prochaine émission. Voilà. Exactement. Merci avec beaucoup. Avec un nouveau clip est-ce qu'on on va faire autre... Ouais, mais la radio, en attendant, la radio elle va se terminer, on va rendre l'antenne, on va faire des photos après, puis les photos qui seront publiées dans le Facebook, et les photos, donc forcément nous on les fait, et après vous en faites ce que vous voulez, c'est cadeau, il y a beaucoup de gens qui les mettent sur les profils et tout ça, donc si elles vous plaisent, ben n'hésitez pas à les partager, c'est pour vous, donc voilà. Donc et ça sera des bons souvenirs, parce que moi j'ai tous les albums. Alors c'est simple, vous allez sur le Facebook de l'émission Mavrica, vous allez à photos, vous allez chercher album, et vous avez un album par émission. Donc vous retrouvez le numéro des émissions, vous retrouvez qui c'est qui était là ce jour-là, et des fois dans notre tête on se souvient de tel moment, il y a des choses qu'on oublie, donc en regardant les photos, ben on revit un petit peu ces moments-là, c'est des grands moments qu'on aime bien se remémorer. Voilà. Alors si je peux me permettre, je vais ajouter, tu parles de photos justement, et je voudrais remercier toutes les personnes, les photographes qui nous ont suivis en fait pendant les concerts, et justement grâce à eux on a pu alimenter le Facebook, le site internet, et puis l'album. Oui, les photos vont servir pour la prochaine. Il y en a beaucoup. Alors il y a Dom Rousseau, ouais, qu'on connaît très bien. Alain Fauconnier, ouais, qu'on connaît très bien aussi. Michel Piedalu, ouais. Il y en a d'autres. Pardon pour ce que vous dites. Ouais. Et voilà, il y en a beaucoup. Ouais. Et c'est vrai que tu les cites, je connais la plupart, parce que c'est des gens que je côtoie, et moi j'aime bien aussi aller à des concerts, j'aime bien aussi prendre des photos. Et d'ailleurs, j'ai vu, vous aviez mis sur le Facebook, il y a une photo où on vous voit sur scène, et derrière on devine le Mavrica, le panneau de Mavrica derrière. Donc je dis voilà, c'est lors de nos événements, et ça fait plaisir de le revoir, quoi. Donc, n'hésitez pas à le partager. Nous, au contraire, plus il y aura de photos diffusées, des artistes qu'on aime, et mieux ça vaudra. Voilà, c'est le but. Est là. En tout cas, on fait un petit clin d'œil aussi à tous ces photographes, parce que ils viennent régulièrement au Mavrica Live. Je les rencontre à d'autres concerts. Ce sont des passionnés aussi, et ils font des très belles photos en plus. Donc, moi, je suis admiratif, parce que des fois, je prends des photos, je suis content de mes photos. Quand je vois les leaders, je dis oui, ils sont forts aussi. Hein, ils sont. Mais bon, mais on se respecte les uns les autres, et justement, c'est bien de voir la même chose avec différents regards. C'est ce que j'allais dire aussi pour nous. C'est important. Quand on est sur scène, on a chacun notre style. On a concert, et quand on voit les photos des photographes, justement, enfin ces photos-là, on a plus le côté comment était le public, comment ils nous ont perçus. C'est sympa aussi. Sympa. Très bien. Donc voilà. Donc cette émission est finie. Je vais rendre l'antenne. On va se retrouver pour les photos. Les photos seront publiées dans le courant de la semaine. Donc vous avez pu voir cette semaine, il y avait des photos de Dérapade. Vous les connaissez, Dérapade? Oui. Ah, non, très bien. Ils étaient en concert ce soir, donc nous on avait radio, donc on n'a pas pu. mais ça sera pour une prochaine fois parce que c'est des gens que je connais bien et que j'ai déjà eu l'occasion de voir en concert. Et puis dès que l'occasion se présentera, on se retrouve tous au concert et on va voir les amis qui se produisent. Donc ça c'est le plus important. Voilà. Merci encore une fois. Et puis on va rendre l'antenne. On va souhaiter une très bonne soirée, une très bonne nuit, un très bon week-end, une très bonne semaine. En plus, entrecoupé, parce qu'il y a des jours fériés, là. Et bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et la semaine prochaine, ça sera notre ami Alex Le Bail, qui sera ici présent dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour nous parler de l'évolution de sa carrière, puisque c'est un artiste professionnel et qui régulièrement vient nous donner de ses nouvelles, parce qu'il fait des concerts, il fait plein de choses. Donc, il a plein de choses à raconter. Et à chaque fois, c'est un vrai bonheur de le retrouver. Voilà, cette émission est terminée. Merci à vous encore une fois. Et puis à très bientôt. On va se quitter avec le titre Rosa, mais cette fois-ci la version album. Tout à fait. Ok, c'est okay, parti. Merci. Allez, bonne soirée. À très bientôt. Bonne soirée. Ciao. Au revoir. Au revoir. Allez.